Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Stéphanie Paradis sera là pour partager avec nous ses petits bonheurs de la vie. On se gantera avec la chronique qui s'adresse à un public plus ou moins averti, Kinky Sexy Time. Et on répondra à toutes vos interrogations dans Arrête avec tes questions. Assemblage requis commence maintenant! Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mercredi 1er mai 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Stéphanie Paradis. Oui, Stéphanie qui est en remplacement de Jean-Philippe Charbonneau qui est en lendemain de veille de son bal de fin de bac. Oh, ça a dû être une grosse soirée. Hein? Ça doit, ça sent jusqu'ici. En fait. Ça sent quoi? Je sais pas trop, on va lui demander demain. Mais donc, c'est ça, il va être de retour avec nous pour la dernière émission de la saison demain. Aujourd'hui, ben, il se repose comme il se doit, comme il le mérite après une aussi longue, un aussi long périple à travers les corridors de l'UQTR. Et bachelier maintenant, évidemment, le domaine qui décide de... Loisirs, culture, tourisme. Ouais, c'est ça. Il manquait de tourisme. J'étais plus sûr. Mais on peut dire tout simplement, comme tout le monde appelle ça, là, récréo. Récréo, c'est son mais domaine. Mais c'est tellement réducteur. Pas dans le sens péjoratif, mais ça couvre tellement pas tout ce qu'ils font. Non, ils font beaucoup plus que ça, mais c'est péjoratif dans le sens où tout le monde rit des gens en récréo, donc... Mais en fait, c'est tellement facile de rire de tous les programmes. Ben, c'est ça l'affaire. On rit des gens en com, on rit des gens en récréo, on rit certainement des gens en UTR. Pardon? Oups! Mais c'est facile de trouver des petits trucs cocasses sur chacun des programmes. Et je pense que c'est correct parce qu'on a tous un sentiment d'appartenance envers notre propre programme. Et... Oui, et si tu ris pas de toi-même, hein, qui le fera? Les autres. Les autres. Et si, attends, c'est quoi la phrase déjà qui est plus cute que celle-là? T'as peu. Si. Savoir rire de soi-même, hein? T'as peu. Nanana, vaut pas une risée. Voilà. Si tu vaux pas une risée, tu vaux pas rien. Rien. C'est ça? C'est ça. En tout cas, cherchez dans le dictionnaire là, des pages roses. Vous trouver quelque chose qui s'applique là-dessus, c'est certain. Donc, aujourd'hui à l'émission, on a à 7h30 Stéphanie Paradis, toi-même. Hey, c'est moi, les ça. Les petits bonheurs, deux semaines d'affilée, il n'y a plus de zone campus, la session est finie, donc on se gâte, hein? On fait juste du givré, du sucré. De ton mini-wheat. Le côté plate est allé se cacher. Ouais, c'est ça. Est-ce de retour à l'automne. Ouais. Ben, tant mieux pour toi, bravo. Ben oui, premièrement, oui. Je suis seul pour t'applaudir, donc ça a l'air fou, mais... Je vais m'applaudir moi-même, voilà. Je suis contente. On sait que c'est jamais certain que quelqu'un revient aux zones campus malgré leur implication et leur degré de tellement vouloir être là. Hein? Ça, aurait ouais, pu, oui. Ça aurait pu, t'sais. Ça aurait pu. Ça aurait pu, mais on te félicite. Par contre, toi, ta session est finie. Depuis hier, t'es plus une employée salariée. Ben non, c'est pas vrai, je reviens demain. Demain, OK. Demain, je vais être là. Bon, pour aujourd'hui, la journée. Je suis comme en congé, là. Je vais aller faire du rollerblade. Oh, t'es vraiment chanceux. Donc, mercredi et vendredi, congé. Lundi, mardi, jeudi, travail. On va pouvoir se voir, mais je vais m'ennuyer de toi au bureau aujourd'hui. Oh, ah. Ça m'émeut. C'est de l'émotion aujourd'hui. Hein. Oh. Donc, ta chronique à 7h30, tu vas nous faire un petit genre de résumé de petits bonheurs, des plus petits bonheurs que d'habitude. D'habitude, tu choisis un sujet comme c'est ça. Ben, d'habitude, je choisis un sujet un peu plus précis, mais là, c'est vraiment petit bonheur de la vie en général, des détails de la vie en général. Je suis très heureuse et je vais t'aider là-dedans, moi. Hey! Je suis un gars heureux, moi. Hein? En gros, t'es un gars de bonne humeur. Rarement. Très optimiste. Je veux pas du tout. Je vais me forcer. Oui. À 8h, on fera Kinky. En fait, ce qu'on fait à 8h, on verra bien ce qu'on fait dans le deuxième, on s'en fout. Kinky Sexy Time, entre autres. De toute façon, j'ai l'impression qu'on est seul aujourd'hui. C'est pas mal toi et moi, hein? On a déjà eu des émissions des palmarès, c'est fou, avec plus d'invités que ça. Ce qui est quand même assez particulier. Mais non, en effet, aujourd'hui, on était supposé avoir Marie-Pierre Lafourche-Bourret, mais en fait, erreur de communication de ma part... Je ne l'ai pas le mentionné, mais maintenant qu'on en parle, elle pensait que la session était finie. Mais en fait, je pense qu'elle n'aurait pas pu de toute façon. Elle a beaucoup, beaucoup de responsabilités aujourd'hui, beaucoup d'engagement. Donc, fin de session et contrat et audition. Et, elle rebondit comme un spring ou comme ses cheveux bouclés. Oh, boing, boing, sticky, boing, sticky, boing, sticky. Boing. Donc, on aura King Sexy Time et arrête avec tes questions. Et sûrement d'autres choses. Hein, il va falloir combler cette deuxième heure à toi et à moi. Au pire, on fera des super longues chroniques puis ça va se remplir. Ça se remplit tout seul, cette émission-là. Bon, on parle tout le temps. Ben, blablabla, on blablabla, devrait blablabla. Être bon. Bien, on parle là pour rien dire par tout ça. Ben oui. C'est ça. On a du fun. Ben, mais hein. Bon, merci à vous, chers auditeurs. Auditorium. Auditorium. Oui, c'est ça. Odyssée. Ah oui, c'est bon. De passer ces deux heures avec nous. On est ensemble jusqu'à 9h. On va débuter avec une nouvelle entrée du palmarès francophone. C'est une pièce de Violette Pie. On les adore. Fleur de Londres était un succès magistral. C'est resté fantastique 12 semaines. C'est qui, c'est, hein? C'est du rarement vu. Pas du jamais vu, quand même, mais du rarement vu. Mais disons qu'ils ont beaucoup de pression là, pour cette nouvelle entrée. Petit singe robot. Oui. Qui va se faire aller le... Les boulons. Les boulons. Oh, écrous et boulons. Tu sais, ben, si c'était pas du fait qu'il y avait les syllabes be, syllabe, syllabe. Syllabe. Syllabe, en fait. Zébulon dedans. Tu sais, Zébulon comme le groupe de musique de Chose-Chose, qui est quand même assez populaire. J'aurais peut-être appelé l'émission de cet été Écrous et boulons. Ah! Ça allait pas pire. Hein? Ben oui, c'est bon. C'est un bon titre. Mais non, on en parlera plus tard, si on a le temps. Je pense qu'on a le temps. Les émissions de cet été. Glisser d'autres indices. Parce Bonne que nous, idée. On termine jeudi à Assemblage Requis le matin. Ben ouais. Bon. Hey, c'est rapide. Ben non, mais non, oui. Pas quand tu te lèves à cette heure le matin. Mais. Je me disais ça ce matin aussi. On l'apprécie d'être là quand même. Oui, une fois qu'on est réveillé, ça va. Et passer du temps avec des gens qu'on aime. T'sais, Jean-Philippe est pas là, mais t'sais, on l'apprécie quand même, même s'il dort en ce moment. Puis c'est pas pour lâcher les bottes du boss parce qu'il nous entend pas. Oui, c'est ça, ça sert absolument à rien. Puis c'est pas comme s'il allait nous écouter en reprise. Non, là. C'est ça. À la limite, on aurait pu passer justement une reprise le matin, puis ça aurait même pas paru. Mais on est là pour vous. Gâtez les oreilles. OK? Gâtez-vous. Gâtez-vous. Petit robot. Singe robot. Grippy. on vous réveille un matin avec du Fiddler et la pièce Wait for the Man. Et avant ça, c'est Violette P avec Petit Singe Robot. C'était bizarre. Pour... Il y avait du métal dans Violette P. Pourquoi? C'est comme arrivé comme un chien long, dans un de jeu de quilles. Mais hein? Un cheveu sur la soupe. Un peu de... De la pâte à dents dans ton café. Mayonnaise, ton chandail. Ah. Comme Bill Clinton dans le temps. C'est pas de la mayonnaise. C'est en fait de mauvais goût. Vraiment, ben tu sais, littéralement. Je sais pas, j'ai jamais goûté. Sur ces insolences matinales, après une chanson qui vous a réveillé comme ça, on va vous, vous remettre sur le piton encore plus en vous faisant acheter quelque chose qui possède des pitons. Ah! Parce que c'est la chronique de gadgets inutiles, ça existe, ça devrait pas, on l'a! Oh! Oh yes, ready! Oh yes! Ready, ready, go! C'est ça existe, mais ça ne devrait pas. On a la chronique où on s'ajoute des choses sur Internet. On remplit notre panier de bonnes choses et Stéphanie a la main sur le bouton. Clic, clic, clic, clic. Pour mettre dans le panier, pour ensuite acheter, c'est elle qui paye. Ah, c'est ma carte de crédit? Oh, c'est pour bien qu'elle serve à quelque chose, hein? Inquiète-toi pour ça. Donc, si tu veux prendre des notes pendant la chronique, tu vas pouvoir prendre ton surligneur. On est habitué au palmarès fou, tu as toujours ton petit surligneur jaune, vert, mauve. Jaune, vert, mauve, ça fait brun, ça. Brun. Ah, y a pas de marqueur brun, pourquoi? Parce que personne n'en veut. Ah, ben non, moi j'en voudrais un s'il y en avait. Ah, t'es bizarre. Je prendrais toutes les couleurs, moi. Sérieusement, c'est comme, tu sais, ces crayons-là et ces crayons de cire peuvent avoir toutes les couleurs du monde. Pourquoi ne pas avoir des surligneurs Sharpie? Hein? Oh! Bon. Mais le problème avec un Sharpie ou un crayon surligneur quelconque, c'est que tu vois pas où tu t'en vas avec ça. Là. Ça a toujours été un grand problème dans la vie. C'est que là, tu commences à surligner, mais quand est-ce que je vais arrêter? Je vois pas le mot qu'il y a après. C'est vrai. C'est vrai, hein? C'est vrai. Je savais que ça te toucherait. Ça m'émeut. C'est normal et c'est pour ça qu'on a inventé ce highlighter qu'on voit au travers. C'est Gizmodo qui l'a découvert, c'est super le fun. Ça vient du Japon, de la compagnie Mitsubishi. Oui, Mitsubishi fabrique aussi des crayons apparemment. Donc le bout, on peut voir au travers. Le secret, c'est un canal d'encre situé en plein milieu d'une partie transparente. Et il y a un autre modèle donc qui vous permet de voir complètement votre surlignage. Donc, tu as le surligneur normal et le surligneur transparent. C'est comme un genre de petit U. Si on veut. Et puis, c'est ça. Tu vois, comme le. Ben, en fait, c'est dur parce qu'il y a comme deux sortes. La photo d'en haut sur l'article sur assemblagerequis.com. L'article d'en haut, c'est qu'on voit le bout est transparent. Il y a une petite ligne dans le milieu. Et le marqueur est à la fin. Donc là, tu vois au travers. Alors que l'autre modèle qui est en bas sur la deuxième photo, c'est le Uniball Propus Window Highlighter Pen. Qui lui a vraiment un U de couleur. Et c'est le U qui est le surligneur. Et là, le milieu est vide. Moi, je préfère la petite ligne qui passe dans le milieu. Moi aussi. C'est dur à expliquer un petit peu à la radio, mais quand même. Les deux sont disponibles. Par contre, le Uniball est le seul qui est disponible aux États-Unis et donc par association au Canada. Donc, pour l'instant, celui d'en haut est au Japon seulement. Tu dois pouvoir te le commander par importation, je sais pas, dans des magasins spécialisés dans les crayons. je sais pas, là, je dis ça à travers mon chapeau. Mais j'ai pas de chapeau, d'ailleurs. Je trouve ça fendant. Ça fait prétentieux, un chapeau. C'est comme un rire dans sa barbe. Je peux pas faire ça, moi, personnellement. Non. Chacun ses problèmes, hein? Ben oui. Chacun ses problèmes. Mais sérieusement, je trouve que c'est vraiment une idée géniale. Oui, c'est simple. C'est très, très simple. Oui, c'est ça. Fallait juste passer. Oui. Rien de compliqué là-dedans. J'espère que le crayon coûte pas trois fois le prix d'un crayon normal, mais même là, je serais prêt à payer le trois fois le prix. Oui, toi, je le sais bien. Ben, moi, hein, les poches pleines. Pleines de crayons. Mais c'est vrai, t'es comme un petit peu, comme je sais pas, un obsédé des crayons. Ben oui, gaffe faut le dire, obsédé par les crayons. J'en utilise pas très souvent, mais quand j'en utilise, j'aime utiliser le bon crayon. Donc, j'ai mon crayon stylo Sharpie argenté en métal dans ma poche. C'est vrai, j'ai eu l'occasion de l'essayer et il est vraiment génial. Ah, j'ai tout du goût. Ouais, ça marche bien. C'est ça. Mes surlignants sont aussi des Sharpies et je suis un vendu à la marque. Sharpie donc, et Georges. Sharpie. Sharpie et Georges. Prochain problème de la vie, on a un de fait. Ça va bien 4 minutes de passer. À la date, l'émission va bien aller. Donc, le deuxième gadget, c'est une tasse. Très simplement, une tasse avec une place pour mettre ta cuillère. Parce qu'il n'y a rien de pire quand tu bois. Mettons, tu sais, il y a des cafés qui sont faits avec du lait condensé qu'il faut brasser tout le temps, tout le long pendant que tu bois. Tu sais, il y a des cafés comme ça, il faut tout le temps brasser. Et là, tu vois les gens dans le bar. Floc, floc, floc, floc, floc, floc, bois. Floc, floc, floc, floc, bois. C'est fatiguant un peu. Donc, ils ont inventé, c'est Lee Hae-Soon Scott. Un designer qui a remarqué le problème, donc, à Singapour, et il a inventé cette tasse-là. Et c'est pour, évidemment, pour les cafés qui ne servent pas leur tasse avec une petite soucoupe, parce que la soucoupe, en même temps, elle sert à ça pas mal. Hein? elle sert un peu à ça. Oui, mais en fait, c'est dans le fond, c'est comme pour laisser ta cuillère dans ta tasse sans qu'elle te tombe dans la face quand exact, tu bois. Exactement. T'as pas besoin de mettre ton pouce pour tenir ta cuillère. Il y a rien de pire que ça, hein? Non? Ça, le matin, il n'y a rien de plus déplaisant. Non, tenir sa cuillère. Donc, buvez votre cappuccino préféré avec crème fouettée et mousse ajoutée. Savourez les saveurs. Tout ça en pouvant brasser votre cuillère et en la laissant dans votre tasse. Il y a littéralement une tasse blanche là, des plus plates là, avec une petite encoche là, comme genre deux genres de crochets où tu peux insérer sur le côté. Pas sur le côté, mais à l'intérieur de la tasse, ta cuillère. C'est simple comme ça. C'est la Nota Coffee Mug. Et puis, allez voir ça sur assemblagerequis.com. Ça peut être popé. Hey, en passant, ça n'a aucun lien avec la tasse, mais il y a un lien dans la page à droite. C'est un fossile d'une manette de Super Nintendo. Ah! Je sais pas si tu le vois, là, mais je non, trouve ça non, malheureusement. Je peux actualiser jusqu'à temps que je le vois, puis on continue pas la chronique avant que je l'aie trouvé. Je te l'enverrai un jour. Merci. Puis, on n'a pas les mêmes latest articles. Ouais. Très, très bonne idée. Tu sais, dans la vie, des fois, tu n'as pas de borne Wi-Fi près de toi. Tu aimerais pouvoir t'en créer une ou je sais pas trop quoi. Tu n'as pas de routeur dans ta poche. T'sais, souvent, tu vas me demander, as-tu un routeur avec toi? Non, j'ai pas ça. Donc, Microsoft, à l'intérieur de magazine Forbes, fournit des routeurs Wi-Fi gratuits. Hein? Mmh. Tu sais, les magazines sont de plus en plus numériques, de plus en plus disponibles en ligne seulement. Donc, les publications papier, c'est en train de mourir. Tout le monde est d'accord avec ça. Ça s'en vient un jour. Donc, les magazines, depuis toujours, ont des petites gratuités comme un poster, des coupons, des crayons, n'importe quoi. Et là, c'est un routeur Wi-Fi à l'intérieur du magazine, dans les numéros sélectionnés de Forbes qui ont été envoyés à des professionnels de l'entreprise et de la technologie. Donc, chacun de ces numéros-là a, dans le fond, une insertion de 4 pages qui fournit au lecteur 15 jours d'Internet gratuit via T-Mobile. L'insertion fait partie d'une promotion pour Microsoft Office 365, routeur compact à l'intérieur qui doit être chargé avant la première utilisation. Ça, sérieusement, il aurait pu se forcer puis le charger à l'avance. C'est tant qu'à faire ça, là. Mais peut-être que ça se serait déchargé tout simplement dans le transport de toute façon. C'est sûrement pour ça, mais j'aurais aimé si les souris et autres gadgets peuvent avoir les piles insérées, chargées avec une petite languette que tu tires pour que les batteries se connectent. T'as raison. Il aurait pu faire ça aussi. Mais bon, j'imagine que c'est parce que le magazine est fermé, donc on ne voit pas le routeur, mais s'il y avait une languette sur le côté qui disait genre pour activer votre Wi-Fi gratuit, tirez ici. Moi, je trouve que ça aurait été mieux que ça. Donc, c'est un mobile hotspot qui peut fournir l'accès à jusqu'à 5 appareils différents dans ce magazine-là. C'est un des gadgets les plus géniaux que j'ai vu. C'est dans la copie du 6 mai de Forbes avec le Wi-Fi. Ben, c'est une bonne idée. Ça fait différent. Ça fait parler. C'est très cool. Ça me rappelle l'autre magazine qu'il y avait eu il y a quelques années. C'était, un Entertainment Weekly, à moins que je me trompe, où il y avait une télé intégrée à l'intérieur qui montrait des publicités pour des émissions de CBS. Oh, wow! Dans le magazine. Ça va loin, là, un peu. La technologie est rendue là et ça me rend un peu plus excité, là. Oh! Hein? Pas excité, là, en tout cas. Hein? Énervé. Juge-moi pas. Énervé. C'est pas une station de radio, ça. Non. Non, c'est pas ça. Okay. Microsoft, toujours dans le même domaine, la même compagnie, mais qui fournit maintenant, on parlait de télé, le projet IlumiRoom. C'est vraiment super, super intéressant. C'est une façon de jouer à des jeux vidéo, mais sur le mur au grand complet. Donc, tu as la télé dans le milieu de la pièce, OK? Et la technologie IlumiRoom, avec un projecteur, va projeter de l'additionnel, genre de l'environnement autour sur ton mur. Donc, tu es en train de jouer et ton jeu est sur l'écran, mais se continue, genre le paysage et les ennemis sur le mur. N'est-ce pas là la meilleure idée du monde? C'est Microsoft Research qui a sorti une vidéo pour montrer les bases de l'IlumiRoom, qui va évidemment augmenter votre session de jeu de plusieurs façons. Comme on dit, ça entoure toute votre pièce. C'est comme un casque 3D. C'est comme ça à quoi on s'attendrait d'un casque 3D, mais sans le casque. Ben, écoute, je suis pas certaine, mais c'est parce que dans le fond, s'il y a un ennemi à l'extérieur de la télé, puis que t'as des cartes sur le mur. Mais si t'as des cartes sur le mur, okay. Non, mais au contraire, tu verras pas, l'image sera pas assez précise. Honnêtement, je fais juste jouer en split screen, là, puis. Je suis en bas. Je suis complètement décontenancée. Ah, ben oui. Ah, ça, c'est mon genre de jouer à Mario Kart, là, puis. Tout le long, t'es comme un chinois, ben bon. je te vois. Non, bien. Non, plus, c'est plus le contraire. Moi, je suis très bonne à Mario Kart. Fait que c'est plus comme, pourquoi mon bonhomme va pas à la bonne place? Bah, je vais donc bien pas vite. Tu sais, les gens, ils tiennent pas le bouton pour accélérer assez vite, là. Ah, non, ouais, c'est non. Ouais, ouais. Ou ils lancent leur tortue du mauvais bord parce qu'ils ont pas compris comment fonctionnaient les flèches. C'est plate de jouer avec un incompétent Mario Kart, je l'avoue. Donc, c'est ça, le Illumi Room va avoir besoin du code source du jeu. Donc, vraiment, ça va être fait à partir du jeu lui-même qu'il va falloir que le jeu soit pris en charge pour fonctionner avec Illumi Room. Il va y avoir des cues spatiaux et de la luminosité qui va avec l'ambiance du jeu pour augmenter l'immersion. Donc, tu pourrais être dans un jeu où il y a vraiment un mystère, un suspense, et la lumière de ton projecteur va vraiment être réduite pour que tu te concentres sur l'écran. Tu sais, des trucs comme ça pour améliorer l'ambiance. OK, mais dans le fond, l'image qui est autour de la télé est pas nécessairement en lien avec le jeu. Dans le fond, le jeu se passe à l'écran. Mais ce qu'il y a autour, c'est seulement pour compléter, ça? Va être programmé par, je sais pas si c'est Microsoft ou la compagnie du jeu qui va pouvoir prendre en charge les Illumi Room, mais ça va pouvoir être un peu n'importe quoi. Et ça va pouvoir être adapté aux films aussi. Ah, c'est cool, ça! Mais par contre, les films vont devoir être filmés de façon particulière, un peu comme un film en 3D, filmé avec caméras 3D. Il va être filmé de plus loin. Et là, il va falloir se débarrasser de tout ce qui est genre metteur en scène et réalisateur sur les côtés pour pouvoir le mettre sur le mur. Ah, wow, ça a l'air compliqué. Ça va tout changer, mais on dit à peu près dans 5 ans, cette chose-là va peut-être être un petit peu disponible partout. On dit que Microsoft va peut-être en dire plus le 21 mai. Vous savez que le 21 mai, c'est la date où ils vont annoncer, selon les journalistes, la prochaine Xbox. Mm-hmm, oui, c'est vrai. C'est une date à retenir. On va vous tenir au courant. On va suivre ça, évidemment, à Assemblage Requis cet été. C'est certain. C'est certain. C'était du satin. Parlant de glisser comme du satin. Un robot qui inspecte les lignes électriques, mais un robot 3D, un vrai robot, une petite bestiole si on veut, parce qu'apparemment que maintenir les lignes électriques, c'est quelque chose de très compliqué, ça coûte très très cher, c'est fait par les compagnies d'électricité, ça utilise de l'équipement qui est très très dispendieux. Donc les chercheurs à la Coordinated Robotics... Oh, pardon, c'est un masculin. Au Coordinated Robotics Lab de l'Université de Californie à San Diego a inventé un petit appareil qui va... c'est un robot, quand tu le regardes, il a l'air d'une petite bestiole d'un film de Disney. Ça s'appelle le Sky Sweeper. Adorable petite bestiole avec des mains équipées avec des pinces qui s'ouvrent et qui se ferment au moment approprié. Sky Sweeper qui prend son électricité d'une petite batterie à l'intérieur. Et dans les modèles futurs, il va y avoir de l'induction. Donc, il va prendre l'électricité directement des lignes électriques, lui permettant de rester sur le terrain pendant des mois et des mois de temps. C'est fait de morceaux de trucs électroniques qu'on peut acheter dans les grands magasins. C'est pas quelque chose de très sophistiqué. C'est imprimé par une imprimante 3D. Le plastique est imprimé par une imprimante 3D. Donc, chaque unité va coûter en dessous de 1 000 $. Ça va changer, je pense, le domaine électrique. J'ai rien d'autre à dire que c'est tout à fait génial. Pour vrai, ça va peut-être faire perdre des emplois, je sais pas. Ben non, parce que ça prend quand même des superviseurs pour les robots. Tu peux pas les laisser aller dans la nature sans nécessairement savoir où ils sont. Donc ça va juste rendre leur job plus plate à surveiller des robots? Ben pas nécessairement. C'est pas dangereux ça, grimper oui. Dans lignes comme ça? Pour enlever le danger, je suis particulièrement pour. Là. On s'entend que les chocs électriques comme mort, c'est sûrement une des pires. Parce que c'est très douloureux, j'imagine, je sais pas. Non, je sais pas. Je pense que je préférerais mourir électrocuté que brûler vive ou noyer. Tout le temps, le bon mot, toi, pour me contredire ça. Mais t'as bien raison. Je suis totalement d'accord avec toi. Ensuite, on continue avec Sex Smith, ça devrait répondre là, la chronique des gadgets inutiles. Si vous voulez tout le temps un café, mais vous savez jamais quoi choisir entre un café ou un genre de petit espresso. Tu sais, espresso ou en français expresso, mais en anglais, il faut dire espresso, fait que je me mêle tout le temps. Déjà, que je me mêle entre le mot espresso et le mot expresso, et un café et un espresso, c'est là mon problème. Un americano, par exemple, n'importe quoi comme ça, il y a tout le temps la grandeur du verre qui est différente. T'as un petit verre, un grand verre. Tu pourrais pas mettre un petit espresso dans un grand verre de café. Ben non. Ça a l'air fou. Donc, il te faut le cup avec un C apostrophe, donc le C-up, si on veut, qui combine les deux en un seul gadget. En fait, c'est comme, ça ressemble un petit peu à un verre de bière. Sauf que y a une séparation entre le haut et le bas. Et le haut, c'est une petite partie pour tenir un petit espresso, quelque chose comme ça. Et de l'autre côté, quand tu le revires de bord, c'est un verre à café. Bon. Inutile, tu me diras. Bon. 53 $ dispendieux, tu me diras. Oui, ouais. Je te le dis. Ouais, ben non. Ben, c'est un beau design, hein? Non. Ça se paie du design, non? Non, je trouve ça laid. Okay. Un emballage de 6, 288 $. Wow! Hey, il y a des tasses dans un magasin quelconque à 1 $. Hey, c'est pas la même chose, là. Compare des pommes avec des oranges, toi, là, hein? Non, mais c'est des fruits. C'est facile à comparer. C'est vrai. Compare une pomme avec un tracteur. Rouge. Rouge pompier. L'uritonnoir est le prochain gadget. En fait, le quoi? L'uritonnoir. C'est la chose la plus ridicule au monde, mais en même temps, ça pourrait être une très très bonne idée. C'est un urinoir extérieur qui utilise le pipi, d'accord? L'urine, pour transformer de la paille en compost. Ah! Ah, ben oui! Donc, le pipi humain, apparemment, peut être utilisé pour transformer une balle de foin, c'est ça? Ouais. Balle de foin. En compost qui peut être utilisé comme fertilisant. Oh ben! Hein? Quand même impressionnant. Donc, l'uritonnoir, c'est dans le fond un urinoir qu'on attache. C'est un studio de design français, Faltasi, qui a créé ça. Donc, on l'attache sur le côté d'une balle de foin. Et il y a plusieurs urinoirs, en fait, de chaque côté. Et les gens vont pisser dedans. Et l'urinoir va ramasser l'urine. Et ça va aller dans la paille. Et la nitrogène du pipi va s'ajouter au carbone de la paille. Et résultat, ça va faire du compost. Vas-y. Mais tu peux pas juste faire pipi sur la balle de foin? Sans l'uritonnoir? J'imagine qu'il va aller porter le pipi au milieu. pour aider. Hein? OK. Mais en effet, il n'y a pas la réponse à ta question et c'est une excellente question. Comme toujours. Hein? Juste le nom, c'est tellement de mauvais goût. Mais entonnoir, peut-être? Oui, c'est ça. C'est un studio français. Mais c'est comme urine, urinoir, entonnoir, comme les trois mis ensemble, uritonnoir. Les noirs racistes. Ouais, Donc voilà, l'uritonnoir, je trouve que c'est une bonne idée à la base de l'exécution, je ne suis pas sûr. Ensuite, ça, c'est quand même le fun. On parle souvent d'affaires qui font du bruit. Par exemple, on a déjà parlé du, v'là des années, du chandail qui jouait la guitare. Là. Sur ton chandail, t'avais une guitare, tu jouais puis ça faisait de la guitare. T'avais, la semaine passée, t'avais la veste que tu te tapais dessus ou que tu te frôlais les totons. Et puis ça faisait de la batterie. Ouais. Ici, c'est un haut-parleur portable haute technologie par Kenneth Guglielmino. C'est presque aussi compliqué que Bruno Guglielminetti, ça. Bref, c'est une machine à effet sonore qu'on peut transporter sur soi à l'intérieur de sa veste. Donc, c'est vraiment un gadget avec un... je sais pas si c'est une corde. En tout cas, on dirait que c'est comme ça tient après son manteau. J'imagine que c'est des fils. Et tu insères ça dans ton jacket et ça va faire un peu n'importe quoi. Dans le fond, tu peux faire des effets sonores. Tu as des blagues que tu peux faire aussi. J'imagine que tout ça, c'est pré-enregistré. Je sais pas si tu peux enregistrer toi-même. Ça, je suis pas certain. Mais bref, c'est pour aider votre vie de tous les jours. Si j'avais été assez préparé, comme j'ai tendance à ne pas l'être, j'aurais pu faire jouer la vidéo des effets sonores en train d'être joués. Ça aurait été le fun, hein? Ouais, si vous êtes chanceux, écoute, je devrais pouvoir m'y rendre. Je sais pas, ça. Je suis pas convaincu. Pas convaincu, mais regarde ça. Non? Moi, essayer de te convaincre, moi, pas sûr que je vais réussir. Essaye donc. Quand même, j'essaye ici, attention. Tu sais, t'es dans une conversation, puis tu fais un petit chien qui jappe. But he has cancer. Ben, je sais pas. Moyen. Je te demande. Why does everyone invite the mushroom to the party? Ah, t'as raison, hein. Because he's a phone. Tu sais, des fois, sur ton cellulaire, là, t'as des petits bruitages, là, que tu peux. Puis ça devient gossant après deux fois. Fait qu'imagine quand t'as ça sur ton. Que tu viens de payer quelques centaines de dollars pour acheter ce gadget-là et tu dois t'en servir souvent. Non, pas la meilleure chose. Ensuite, on est rendu là dans la vie. Tout le monde, Steph, on est rendu là. Mark Wilson a inventé le Shirt Pack. Tu sais, quand tu veux transporter ton iPad sur toi, mais que t'as pas de poche assez grande pour ton iPad. Donc, c'est une pochette à zipper à l'arrière dans ton dos pour tenir ta tablette. Oh, yeah! Oui, tes mains sont libres et ton iPad est en sécurité avec toi. Si t'assois, fais attention de pas t'asseoir trop fort. Similaire à des chandails et des chandos qu'on fait pour les cyclistes, sauf que c'est spécifiquement fait pour les tablettes et t'as pas besoin de porter de short de spandex, quoique si tu veux, tu peux. 35$, c'est un chandail blanc fait de spender polyester haute performance blend. Ça veut dire que si tu transpires du dos, ça va pas comme pénétrer l'iPad? Parce que c'est souvent le problème des iPhones, des iPads. Les gens laissent ça dans leur poche, dans la salle de bain, quand ils prennent leur douche, et la vapeur de l'eau entre dans l'iPhone et là, ils retournent au magasin. Est-ce que tu l'as échappé dans l'eau? Non. Les regardent, puis le petit collant à l'intérieur dit que oui. Ben, c'est la vapeur d'eau chaude et la sueur de ton corps quand tu vas au gym. Faire attention. Faites attention, c'est un petit conseil qu'on dit pas assez souvent. On parlait d'effets sonores il y a deux secondes. Le prochain gadget va vous aider à en ajouter encore plus. Et c'est une agrafeuse avec un effet sonore qui fait bang. Je vous le fais pas jouer parce que ça donne rien, mais ça fait bang quand tu tapes pour taquer. Mais c'est des bang, bang, bang, bang. Non? Ben non, c'est un peu gossant au bureau, non? À peine. Et que t'es donc bien rabat-joie. Oui. Ensuite, tiens, quand, quand tu te couches le soir sur ton oreiller de velours, t'es, tu t'ennuies de ton, ton petit capuchon de ta veste, n'est-ce pas? T'as même pas de capuchon sur ta veste aujourd'hui. Ben non. Moi, j'en ai un. Et tu t'en ennuies. Donc, quand tu te couches, pourquoi ne pas recréer la, la confortabilité, le confort de ton, ton capuchon sur ton oreiller? C'est un oreiller à capuchon, finalement. Tu te couches et tu mets ton capuchon par-dessus ta tête et là, tu te sens confortable parce que t'aimes ça avoir un capuchon. Tu te sens comme dorloté et cajolé. C'est la hoodie pillow. Ben, j'aime ça parce que des fois, moi, j'ai le problème. Je veux, par exemple, mettre mes draps devant mes yeux parce que je veux pas voir la lumière, mais j'étouffe parce que j'ai les draps sur mon nez aussi. Là, il y a juste du tissu sur les yeux. Il a le nez à l'air libre. C'est malade. Et si, mettons, tu vas à l'aéroport et que tu veux te coucher sur le mur ou sur ta chaise, tu mets ton oreiller et quand tu t'endors, ton oreiller a tendance à tomber dans ton dos, quelque chose. Elle tient pas parce qu'il faudrait que t'aies plus de poids sur ton oreiller. Fait que là, avec le capuchon, ben, ton oreiller, elle va tenir, hein? Sur ta tête! Sur ta tête. Donc, rouge, noir, différents modèles, la hoodie pillow pour 25$ américains. Voilà. Mais évidemment, faut pas porter ça comme un capuchon, hein, et te promener comme ça à l'université avec ton oreiller en arrière de ta tête. Je sais pas. Mais en fin de session, ça peut être pratique. Tout à fait. Tout à fait. Et avec un cours avec un professeur plate aussi. Aha! Chemise qu'on peut porter maintenant pendant 100 jours de suite. Des fois, c'est triste d'avoir à enlever son, ses vêtements et les mettre au lavage. Là. Ben hein? Oui. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, c'est une oreiller qui... pas une oreiller, excuse-moi. On a changé de sujet ici. C'est une chemise par Will & Price qui fait ce que ceux qui disent apparemment on pourrait porter la même chemise pendant 100 jours sans la laver ou même la repasser. Comment ça? La compagnie dit que c'est une laine spéciale, un tissu laineux. Okay? On dit Special Wool Fabric qui absorbe l'humidité, mieux que le coton, nous dit-on, qui empêche les plis dans la chemise, durabilité supérieure, respirabilité, si c'est un mot que j'invente ici, vous me direz. Donc, c'est pas de la laine non plus comme on s'attend à avoir dans les vieux sweaters, là, les pulls qu'on avait dans le temps, les vieux lainages qui étaient super piquants que j'étais pas capable de porter. Apparemment, c'est pas comme ça. Donc, on peut la mettre en boule, on peut lancer ça dans un sac, n'importe quoi, de gym. Et ce sera jamais fripé et pas de douche requise. Malade, 98$ par chemise, mais là, évidemment, divisé par 100, ça fait plus ou moins 1$ par jour. Mais c'est pas plate de mettre le même vêtement. Change de veste, au pire. 100 jours d'affilée. Bah, rabat-joie. Bah, en tout cas. T'es donc bien conformiste, changer de vêtement tous les jours. Hey, mais à quand les bobettes et les bas, hein? C'est ce que t'allais dire. J'allais le dire. On se comprend là-dessus. Pantalon, bas, bobettes et autres, autres vêtements comme ça, 100 jours de suite, tu pourrais porter le même vêtement. Wow! Hey, les mêmes bobettes. Pendant 100 jours d'affilée. Les mêmes petites shorts de vélo, là, genre avec une petite ligne bleue, là, comme un super année 70. Même pas besoin des virées de bord. Même pas besoin des virées de bord. C'est beau la souhait. Ensuite, une voiture téléguidée, c'est bien le fun. On aime ça, c'est cool. Par contre, tu peux pas la contrôler de partout dans le monde. Là, des avantages clairs. Claire. Donc ici, c'est des voitures. Dans le fond, c'est une voiture toute petite. C'est IBM qui en fait, est-ce que c'est IBM qui l'a fait? Non, mais ça fonctionne sur le WebSphere Application Server Development Community Site. Des ingénieurs qui ont posté une voiture faite avec un système d'exploitation basé sur Linux, je crois. Et donc, on s'occupe du steering, de l'accélération et tout ça via Wi-Fi. Complètement self-contained, donc il n'y a pas de gadget à avoir de plus que la voiture téléguidée. Ça fonctionne par pile, évidemment. Et donc, si le Pi reçoit un signal Wi-Fi assez fort et que tu as configuré le forwarding de port, des affaires super techniques sur votre ordinateur, tu vas pouvoir construire cette affaire-là de n'importe où sur la planète via ton iPhone. Tu pourrais même le faire de la Station Spatiale Internationale si tu peux avoir Internet là-dessus. Donc, c'est un projet, pas une application commerciale. On dit juste de savoir que ça peut être fait de téléguider une voiture à distance comme ça. Ça pourrait mener vers des gadgets plutôt cool. Et ça pourrait être bien, pour vrai, dans le futur, pour les jouets pour enfants, entre autres. Là. Oui, mais ça donne rien si tu peux pas voir ta voiture. Ben, si on installait une caméra dessus. Ouais. C'est tout, c'est possible. Une fois que tu sais mais que tu peux faire ça. Mais non, c'est ça, c'est le fun de savoir ce qu'on peut faire, mais est-ce qu'on a vraiment envie de le faire dans ce cas-là? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Pardon. Qu'est-ce qui se passe à celui-là? poisson rouge, ça aussi, c'est cool. Pouvoir téléguider son poisson rouge sera encore plus génial, mais c'est pas exactement ça. Bon, c'est déjà, c'est pas un poisson rouge, là, c'est un poisson clown. Il y a ça. Bon point. Donc, les poissons clowns, c'est bien le fun. Si seulement on pouvait avoir un robot clown. Robot clown. Poisson clown. Donc, ici, c'est un robot poisson. C'est un robot poisson, Steph. Le robot fish. Donc, tu lâches ces petits robots-là qui sont activés par l'eau, en fait. Il y a aussi un requin là, disponible, comme les auditeurs d'Assemblage Requis, les requins, on les appelle. On va vous lâcher, mais sans le micro dans l'aquarium, parce que ça pourrait vous donner un choc électrique, vraiment. Donc, dans l'aquarium, dans le petit bocal, et les regarder nager comme des vrais. Et t'as pas besoin de les nourrir ni de prendre soin de ces poissons-là. Ce que tu as à faire, c'est de changer la batterie une fois de temps en temps, la pile. Parfait pour les enfants qui veulent un animal de compagnie, mais les adultes qui ne veulent pas que leurs animaux de compagnie meurent à toutes les semaines. Genre moi. Ah, t'étais pas bon avec tes animaux, toi. Ben, non, non, les animaux, ben, ça va, là, mais les poissons... Non, moi, c'est les plantes. Ah, on n'est pas fait pour s'entendre, Mathieu Plante. T'es sur le bord de mourir, Mathieu. Enfin! on parlait d'effets sonores tantôt. C'est une drum machine pour le volant de votre voiture. Tu sais, quand on est en long voyage, là, pour en genre de road trip, là, ou dans un bouchon de circulation, t'attends le trafic qui avance. Donc, c'est l'inventeur Gregor Anucha qui a inventé le Smack Attack, une alternative à utiliser votre téléphone ou n'importe quel autre gadget qui pourrait peut-être, je sais pas, vous causer un accident. Dans ce cas-ci, c'est simplement des boutons. En fait, est-ce que c'est des boutons ou c'est juste tactile? Je sais pas comment ça fonctionne. Mais c'est une drum machine qui fonctionne, qui se met sur votre volant et qui vous permet de jouer de la batterie sur certaines parties du volant. Il y a 8 sensors tactiles, voilà ma réponse, qui fait chacun un son différent. Chaque sensor. Et les sons vont jouer par-dessus la musique qui joue dans votre bibliothèque iPhone. Donc, je sais pas si c'est par Wi-Fi ou quelque chose comme ça. J'imagine que les détails sont dans le reste de l'article et ça ne me tente pas de lire. Mais il y a une application pour ça. Et ça va sortir donc par le iPhone qui va être branché dans votre radio. Je trouve ça cool parce que déjà, je le fais. Je vois du drum sur mon volant. Oui, donc avec du son, c'est encore plus réaliste. Ben, c'est ça, c'est agréable. Puis on dirait un peu les touches de Guitar Hero. Oui. Mais moi, je suis très, très, très, très, très, très, très fan de ce jeu. Okay. Je l'étudie. Fan, je pensais à dire bonne ou poche. Ah non, je suis aussi très, très, très, très, très, très bonne. OK. Pour ça qu'il n'y a personne qui veut jouer avec moi. Parce qu'il n'y a personne qui me suit. Mais et t'es mauvaise gagnante, peut-être. Je sais pas, là. Je sais pas jouer avec toi. Non, mais... je suis pas mauvaise gagnante. C'est juste que les gens aiment pas ça jouer. Ben, je sais pas. Mais quand t'es tout seul à jouer à expert, c'est déprimant. Ben, expert, c'est parce que là, tu t'en demandes pas mal aux gens. Ben non, mais... Tu joues vraiment à expert, pour vrai? Ben oui. Ben voyons donc. C'est parce qu'il y a comme 18 000 notes en même temps. Non, mais il faut que tu commences à la base. T'sais, j'ai fait le tour à... T'sais, easy, après ça à medium, après ça à hard. Puis à mon avis, ça se fait ça. Non? Ben, je t'admire si c'est le cas, parce que j'ai juste regardé le mode expert et jamais je me lance. Faut pas que tu le regardes, faut que tu commences à la base. OK. Ensuite, OK, est-ce qu'on y va rapidement, parce que là, on commence à faire une longue chronique. Il y a un vélo pliable, en fait, c'est comme un genre de sandwich bike. En fait, il est nommé le sandwich bike et apparemment aussi facile à faire qu'un sandwich. C'est le vélo vient en différents morceaux. Ah, il y a un assemblage requis. C'est exact. Donc, tout ça est assemblé par l'utilisateur et une fois fait, ben, ça fonctionne exactement comme un vélo normal. Donc, construisez votre propre vélo via le 1 000 $ que vous allez dépenser sur assemblagerequis.com. Ensuite, des assiettes jetables, c'est bien le fun, mais c'est pas très, très bon pour la planète. Donc, on a inventé ici, c'est Sarah Madonette Haddad qui a une approche au recyclage. C'est une assiette carrée et qui a des pelures. Donc, tu manges sur ton assiette et tu enlèves la pelure du dessus, qui est un genre de papier. Et tu jettes ça et t'as une autre assiette en dessous. Tu comprends? Sais-tu c'est quoi aussi qu'il y a d'encore plus écologique? Quoi, une assiette en porcelaine que tu laves après avoir mangé. Ben oui, mais là, c'est parce qu'on n'est pas tout en camping, t'amènes pas ta grosse vaisselle, là. Hein? Ben oui, j'amène de la vaisselle en plastique et je fais ma vaisselle en camping. Ah! Ben là, je suis désolée, j'ai de la vaisselle de camping. Ben, T'as raison. Ben achète pas les plates haut disposable non. Plates faites pour être utilisées jusqu'à 10 fois. Et on jette le truc après 10 fois seulement. Concept basé sur le principe de la réutilisation d'un même truc. Mais non, c'est pas mieux. Tu vas finir par jeter l'assiette aussi, mais en plus, tu vas jeter les pleurs comme une à la fois. Ça revient au même. T'as raison. Je suis désolée. J'ai rien à dire. T'as raison. Qu'est-ce que je saute? Où est-ce qu'on s'en va? Attention. Il y a quelques sweaters, des sweatshirts, des gros chandails des années 80 en laine, mais avec des gadgets dessus, des Game Boy. Game Over, des petits cœurs, des arcanoïdes, des Tetris et un paquet de choses comme ça. C'est super cute à acheter. Un truc pour iPhone, un case pour iPhone, fait avec du genre de faux gazon. C'est comme sur un terrain de golf. Ah! C'est cool, pourquoi pas? Pour iPhone pourquoi 5. Pas? Ouais, j'aime ça. Finalement, non. Pas mal ça, finalement. On va arrêter là. Ouais, c'est pas mal ça. Pas mal ça, finalement. Ouais. Voilà, pour 5 semaines, ça devrait répondre là. Fait que là, on se commande des marqueurs. Oui, OK. Poisson. Moi, je veux le poisson. OK. Parce que j'aimerais ça en avoir un qui meurt pas et que mon chat peut pas manger. L'urita noire, ça t'a pas marqué? Non, mais en fait, je vois pas comment je pourrais faire pipi là-dedans personnellement. Moi, j'ai attaché la graffeuse juste pour te taper ses nerfs. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Oh, c'est sympathique pour te venger de... de mon attaque de post-it Slinky. Hey, l'autre fois, t'as-tu facile avec ces Slinky? J'étais là, puis j'essayais de me concentrer sur mon travail et jouer avec des le Slinky de post-it. Tu sais, les post-it sont en accordéon maintenant, mais... tu peux comme pas avoir autrement que ça, je dirais. Mais oui, mais pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça pour moi, pour que je puisse t'agacer. Déficit d'attention, Colin. Parlant de déficit d'attention, fais deux choses en même temps et prends la feuille de palmarès pour me dire la pièce de la formation La Femme qui se retrouve sur le palmarès en ce moment, Stéphanie. Oui, donc on va entendre la pièce La Femme de La Femme qui est sur la planche 2013. Leur chanson homonyme, on l'entend et après ça on revient avec Les Petits Bonheurs de Stéphanie Paradis. Oh. Retour les petits bonheurs de Stéphanie Paradis. Oui, on reçoit un invité spécial en studio qu'on pensait pas, qu'on espérait de pas. Je vous dis, attends un peu, je suis plus sûr de ce que je voulais dire. Moi. C'est vrai qu'il est spécial. Oui, il est particulier, il est différent. C'est ça. C'est tout. Les extrêmes de nos amis. C-F-O-U 89-1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. 7h46, toujours avec Stéphanie Paradis. Et toujours avec Mathieu Plante. Et là, devine qui vient d'arriver. Tu sais, nous, on pensait pouvoir, être tranquille, s'asseoir sur nos lauriers. Laurier, tes fesses. Ben, m'asseoir sur mes fesses. Mes fesses s'appellent Laurier. Avec un S. C'est ça. Mais Laurier, il y en a deux. C'est deux fesses. C'est ça. C'est ça. David Ferron, toi, tes fesses, tu les appelles comment? Je ne sais pas encore, parce que étant donné que je suis un petit peu comme une espèce de lapin énergisaire. Vrai. Il n'est jamais assis dessus. Il est debout, mais on le voit pas. Il fait ça vite. Ça peut être, par exemple, peut-être les fesses Gérald Tremblay, parce qu'elles ne savent pas qu'elles existent. Tu sais, Gérald c'est Tremblay profond. Dit, c'est trop profond pour moi. C'est une analogie politique, je sais pas. C'est ça, Gérald Tremblay, il dit tout le temps, ah ben je me rappelle pas, ou j'ai pas vu ça, ou je sais pas, ou il est évasif. C'est comme, on est comme la fin du monde à 7h, tu sais. On a des blagues politiques de, v'là, 2-3 ans, Gérald Tremblay, à peu près, qu'on regarde lui. Ben, je peux faire l'imitation de Bruno Blanchet qu'il se faisait dans Marie Lozic aussi. OK, vas-y donc pour présenter la chronique de Stéphanie Paradis, c'est les petits bonheurs. On va présenter les tout petits bonheurs, les tout petits petits bonheurs. Oui. Le bonheur est à la portée de tous, mais rien ne dit dans la housse comment s'y prendre. Le bonheur est à la portée de tous, même les moches, même les rousses peuvent y prétendre. Qu'importe que tu ne sois qu'un loser, sans Rolex à ton bras. L'important c'est ton bras, qu'importe que tu ne sois pas cet acteur, banquier, bol de cinéma. Le bonheur, c'est pas ça. Et c'est les petits bonheurs, c'est Fanny Paradis. Oh, elle est bonne la toune. Oh, on est content, on la repart. Je vais m'ennuyer de cette chanson-là pendant l'été. Tu feras pas du tout les petits bonheurs de l'été? Je pense pas. Ben non! Je vais faire d'autres chroniques cet été. Fais-la aux deux semaines au moins. Ah, je sais pas. J'ai d'autres idées. Trop d'idées qui débordent de ce cerveau de Stéphanie Paradis. Mais ça devrait revenir à l'automne. On aime ça. Les petits bonheurs, ben, si tu me réinvites. Eh bien, évidemment, ben, premièrement, on n'a pas le choix parce que tu fais la coalition de campus. Fait... Oh. Mais de toute façon, dis-moi pas non, sinon je t'abandonne tout de suite, tu te débrouilles avec le reste de l'émission. Oh non, David Fer. Je te laisse toute seule avec David. Oh, triste. Donc, oui, c'est ça. Stéphanie Paradis qui fait les petits bonheurs aux deux semaines d'habitude. Et là, deux semaines d'affilée, fait cette chronique-là parce qu'il fallait finir en beauté. Wow. On ne voulait pas finir avec une chronique plate, disons, campus. On va avoir un rush de sucre, là. Bon, hey, les petits bonheurs. Aujourd'hui, les petits bonheurs, tout simplement dans les détails de la vie. Donc, cette dernière chronique de l'année, ben, c'est la plus interactive de toutes parce que j'ai eu beaucoup de réponses à mon petit sondage qui demandait tout simplement « Quel petit détail de la vie vous rend heureux? » Donc, dans cette chronique, c'est pas seulement mes petits bonheurs personnels, mais c'est aussi les petits bonheurs de tout le monde. Donc, premièrement, petit bonheur de la vie, c'est l'amour de notre animal de compagnie. Ah oui, il y en a qui comprennent pas ça. Hein? Ah, mais tant qu'on n'a pas eu vraiment ce lien profond-là avec un animal de compagnie, on peut pas comprendre. Parce que ce qui est le fun, c'est que ces animaux-là, ils ont confiance en nous. Mm-hmm. Puis parfois, ils s'abandonnent totalement. Juste en s'endormant dans nos bras, c'est tellement une preuve de confiance. Puis personnellement, mon chat, c'est une source de réconfort, tout simplement. C'est doux, elle est drôle, elle est cute. Puis, juste quand elle me regarde en penchant la tête sur le côté, là, je suis comme, j'en mangerai tout cru. Ben là. Oui, on sait qu'ils sont mignonnes. On sait qu'ils sont tous pareils, les chats, mais justement, on en a un à nous. C'est ça qui est le fun. T'sais. Puis, les gens vont dire, bon, tu sais, c'est pas comme un enfant, tu sais, tout ça. Puis, je sais que c'est pas comme un enfant, mais on peut-tu avoir les deux pareils? Oui, c'est comme un enfant, OK? C'est niaiseux, là, mais tu sais, c'est un être vivant. Des fois, il a des petites crottes dans le coin des yeux. J'enlève la petite crotte dans le coin des yeux. Puis quand ma mère m'a vu faire ça, elle fait comme « Ah, ça t'écœure pas! » Ben non. Non, c'est mon enfant. Ben oui, c'est ton chat. Dis-toi, est-ce que ça te dérangeait de m'enlever mes crottes de nez sur le bord du nez? Non. Tu sais, tu fais ça comme crottes de nez. Ça, ça te dérangeait quand elle les mangeait. Ah, ça, c'est bizarre. Ouais, mais j'ai déjà fait ça à mon chat. Elle a tout le temps le nez un peu partout, là. Fait qu'elle avait juste comme de la petite mousse sur le bord du nez. Fait que j'ai pris mon ongle puis j'ai gratté pour enlever la petite mousse. Mais ça l'a chatouillé puis elle m'a éternué dans la face. Mais est-ce que ton chat a une sinusite chronique comme la mienne? Non. Elle m'a fait un crachat de morve dans le milieu de ma télé. Fallait que je me rappelle de l'enlever à soi. Marc. Et donc, ben, adorable. Ouais. Ah, c'est pas le fun. Mais non, c'est pas, on sait que c'est pas un enfant. On est conscient, mais c'est tout comme. Mais tu sais, juste quand le soir, elle vient se coucher tout naturellement avec moi pendant que je regarde la télé, c'est le fun. Puis non, c'est pas juste parce qu'elle veut de la bouffe puis de l'eau, c'est parce qu'elle t'aime. C'est parce qu'elle veut de l'affection. Elle sait qu'elle va avoir des petites caresses, puis elle se couche sur le dos, puis miam, miam. C'est pas nécessairement qu'elle t'aime, c'est qu'elle veut que tu montres que tu l'aimes. Je pense que c'est ça. On est mené par le bout du nez. Un chat, le chat n'est pas chez nous, on est chez le chat. Oui, c'est son territoire, il pisse partout ses murs, c'est pas vrai. Ah, David! David, ça, c'est... David pisse ses murs tout le temps. Oh! agréable. C'est une blague. C'est une blague. Je le sais, je l'ai juste pas drôle. Non, pas très drôle. Ah, okay. Petit bonheur tout simple, juste être chez soi. Oui, hein, finir la journée, aller chez vous, puis vête Gérard. Tout simplement, tu sais, des fois, oui, on aime ça voyager, on aime ça aller à l'extérieur pour les vacances, ou des fois, on est obligé d'aller à l'étranger pour le travail, mais on est toujours content de revenir à la maison, dans notre confort, dans ce qui nous appartient. Puis, comme tu disais, même après une simple journée de travail, ouais, c'est tellement plus reposant d'être sur notre propre divan que sur le divan de quelqu'un d'autre. De savoir que la journée va se terminer et que tu vas pouvoir aller chez toi, faire tes affaires, dans tes affaires, sur tes affaires, avec tes affaires. Dormir dans son propre lit, ouais, avec son oreiller, ses draps, c'est réconfortant. Oui. C'est le retour au bercail. Puis imagine si le chat dort en cuillère avec toi. Ah, oh, le paradis, hein? Oh, wow. Ensuite, autre bonheur, on se le cachera pas, l'argent. Bon, hey, hein? Hey, flotte non, cache. Mais là, je parle d'argent. Tout simplement, trouver un 25 sous par terre. Ah, comme dans La Grande Séduction. Tu sais, pas une scène noire. Un 25 cents. David, faut que tu saches que Stéphanie ne se penche pas en bas de 25 cents, c'est ça? Ben là, t'es bien cheap. C'est avec des sous qu'on fait des dollars, Stéphanie. Non, ben là, c'est elle qui m'a dit ça. Les sous noirs. Non, où est ton prix? Où est ton prix pour te pencher, Steph? Pour me pencher, ben écoute. je remonte tout ce que je trouve. Mais c'est parce que les 1 sou, si tu les ramasses dans. Non, les sous noirs, ça, j'ai arrêté ça. Là. Ça va valoir cher. Tu sais, je vais faire attention à mon dos, là, ça vaut pas la peine. C'est ça. Monte à minimum, David? Pour te pencher? Pour me pencher? C'est une drôle de question. Je sais, je l'aime bien. Je dirais, ça va dépendre du contexte. Par exemple, je suis en train, il y a quelqu'un qui essaie de m'assassiner avec un couteau et que je dois absolument téléphoner, qui a un 25 cents et qui me manque un 25 cents, ben je vais me pencher. Mais qui téléphone avec des 25 cents? De toute façon, c'est minimum 50 cents dans une cabine. Ouais, c'est ça, mais il me manque un 25 cents. Ah, okay, j'ai trouvé le 25 sous avant que le psychopathe s'empare de moi. J'ai le temps d'appeler les policiers. Ce que David n'a pas dit, c'est qu'il y a un cellulaire à la FS. Ouais. Si quelqu'un veut téléphoner. Ah, c'est un contexte bizarre. Okay. Sinon, l'argent, tout simplement, OK, quand tu vas retirer de l'argent au guichet, puis tu te rends compte que tu as plus d'argent dans ton compte que tu le pensais. Ça arrive pas, ça. J'ai mon iPhone, puis je dois me transférer de l'argent dans mon compte pour faire ce que j'en ai plus. T'sais. Ouais, mais tu sais, si tu as plusieurs comptes, tu sais, mettons épargne après ça, un fonds pour telle affaire. Là, c'est un peu plus compliqué. Là. Moi, je sais que tout dans le même compte. Là. Votre compte épargne, honnêtement. Mais ça, il faut beaucoup d'épargne. Ouais. Mais ça, c'est ça, quand tu fais pas attention à ton compte épargne, parce que moi, mon compte épargne, c'est des versements automatisés. Ah, c'est le fun, je voudrais faire ça, moi, pour eux. Donc, c'est ça, quand je vois que finalement, au bout d'une couple de semaines, j'ai pas utilisé cette épargne-là. T'as 100$, quelque chose comme ça. Ah oui, c'est agréable. Mais parlant de machines et d'argent, quand tu mets un autre petit bonheur que je te mets en parenthèse, sans empiéter trop tôt, mais quand t'as deux canettes de liqueur dans la machine après avoir mis le prix pour une. Hein? S'entend-tu que c'est malade? Moi, ça m'est déjà arrivé. J'étais quand même jeune. Je faisais juste comme jouer avec la machine. J'ai pesé sur un bouton, puis il y a une canette qui est tombée. Oui. Puis j'avais pas mis d'argent. J'étais comme, personne, il avait juste mis son argent, il avait pesé sur les boutons, puis il n'y avait plus de liqueur dans ceux-là, mais il n'avait pas pesé sur le bouton qui avait de la liqueur. Et là, tu t'en as pesé dessus. Pow! Tombe. Hey, bonheur de la vie. J'ai eu 2 barres de chocolat dans ma machine, moi. Oh! Pas dire trop fort parce qu'ils vont me dire, tu me dois une pièce. Ben. Et 50 par star. Ah, sinon, en fin de semaine dernière, j'étais tellement contente. On va dans un magasin où ils vendent des sirones, puis. En tout cas. On appelle ça sirone, hein? Non, mais ils donnent de l'argent à eux autres. En tout cas. Ah. Fait que. Quand j'étais allée là, puis ils donnaient un petit coupon, 10% supplémentaire en argent. De cette marque-là, c'est de ça. Papier. Monopoly. Sur tous nos achats. Fait que pour 60$ d'achat, que ce n'est pas moi qui a fait, j'ai reçu 4,75$. Hey, hein? C'est quand même beaucoup. D'habitude, c'est genre 5 cents. Ben, je vais sûrement m'acheter du café pour ma curry. Cool. C'est vraiment littéralement comme de l'argent? Ben oui. J'ai pas ça. Ah ouais, ouais. Moi, j'ai jamais gardé cet argent-là. Moi, je le garde. Okay. Non, mais si tu me dis que c'est comme de la vraie argent. Ok, oui. Ok. Ensuite, petit bonheur, les superstitions et les troubles obsessifs compulsifs. OK, je sais que même si fondamentalement, c'est dérangeant et que c'est supposé être un problème, ben on sent bien quand le trouble est comblé. Non. Par exemple, quand je regarde l'heure sur un cadran puis qu'il est midi 34, 1, 2, 3, 4. Non. 1, 2, 3, 4. Hey, ça, c'est le fun. C'est 11h11. Mais ça, c'est un autre niveau, là. 1, 2, 3, 4, OK? Ou quand je monte le volume de la télé puis que je peux le mettre un chiffron. Ah oui! Tu sais, 10, 15, 20. Sérieusement, moi, et que le son est correct parce que des fois, c'est trop fort mais ou pas assez fort. C'est ça. Mais sérieusement, je ne comprends pas comment c'est humainement possible de vouloir le mettre à 13. Arc, qui met le volume à 13? David ne comprend pas, je pense. Non, c'est pas ça. C'est que vous êtes très organisé dans vos... Vous êtes très organisé, je suis émerveillé. Mais justement, c'est que on a un trouble obsessif compulsif d'organisation de notre trouble obsessif compulsif. Ben ouais. Exactement. C'est ça le problème, le toc du toc. Mais quand il est comblé, on se sent bien. Mais ça. Ben on en a toutes. Moi, c'est assez bizarre parce que dès que non, c'est bizarre. Ah ouais, vraiment? Toi ça? Toi bizarre? Oui. Raconte. Ben en fait, dès que je rencontre un ordinateur qui est allumé. Là, tu lui sers la main. Oui. Quand tu rencontres l'ordinateur. Bonjour, ordinateur. En fait, c'est qu'il faut que j'aille sur trois sites précis. Je ne suis pas... Aussi longtemps que je n'ai pas visité ces trois sites-là, je ne peux pas fonctionner ma journée. Je ne peux pas faire les travaux. Évidemment. Non, c'est pas là-dedans. Je te parle plus de radiocanada.com, des trucs de même. D'habitude, ça marche pas. Puis là, il faut que tu retapes radiocanada.ca, la bonne adresse. Ouais, c'est vrai. Mais c'est parce que c'est de la compétition. Donc, je voulais pas trop. OK, tu voulais comme brouiller les pistes. Oui, exactement. radiocanada.jp. Pour que le monde puisse aller plutôt à assemblagerequis.com. .com, une chance, tu l'as dit comme faux. Oh, ouais. C'est le meilleur, ça. Ouais, mais c'est ça, il y a comme trois sites internet précis que c'est quoi les deux autres? C'est Chart in France, c'est de la musique de France. OK. Puis l'autre après ça, c'est Facebook. Bah, le classique. Ben oui. Donc, tant et aussi longtemps que je n'ai pas visité ces trois sites-là, je ne peux pas commencer à faire mes travaux ou aller à la salle de bain pour me brosser les dents. C'est compulsif, c'est bizarre. Oh! Ben moi, ma page d'accueil, c'est Facebook, tout simplement. Donc. Moi, c'est ma page d'accueil par défaut de Google Chrome avec mes icônes que je n'utilise jamais. C'est poche. Oui. Aucune personnalisation. Je tape moi-même mes propres adresses. T'as pas de personnalité. Oh, mais j'ai l'initiative de taper mes propres adresses. Hop. Nep. T'as rien à faire dans la vie, toi? You have no idea. Hey! Un autre bonheur de la vie. Trouver un stationnement au centre-ville puis qu'il reste du temps dans le parcomail. Ça, là, c'est comme wow. Deux minutes, c'est cool, mais quand t'arrives puis qu'il reste comme une heure et demie, t'es comme oh, malade! Parce que honnêtement, moi, j'ai jamais de monnaie sur moi. Donc, c'est tout le temps un problème avec les parcomètres. Oui, c'est une bonne excuse pour passer la galère, malheureusement. Oh, ben, c'est vrai. En tout cas. Mais là, je sais pas si vous avez vu ça. Il y a des nouveaux trucs de péage au centre-ville, comme à Montréal, dans le fond. Fait que c'est vraiment... T'as des crédits, hein? Oui, c'est ça. Il y a des petits postes un peu partout. Donc, tu peux payer avec ta carte de crédit au lieu d'être de la monnaie dans les parcomètres. Et tu peux rajouter de l'argent à distance avec ton téléphone intelligent. Ça, c'est fort! À Trois-Rivières! Ça, c'est vrai. Oui, ben, ça s'en vient. Ils ont commencé à les installer, là. Donc, je trouve ça génial. C'est très génial. Mais... Hey, plus de monnaie. Wow. Mais qu'est-ce qui est encore plus génial, c'est qu'il te reste dans une rue un seul parking et tu te rends compte que ce parking-là, il restait encore de l'argent. Oui. T'as pas besoin de le remplir. Exactement. Il est déjà rempli. Personne ne l'a vu encore, là, ce stationnement. T'as atteint le Holy Grail. Hein? Le Graal. Ah, le Saint Graal. Saint Graal. Ouais. OK. Parce qu'en anglais, il est sacré. En français, il est saint. Le Graal, je vois pas. Ben, ça revient au même. Ouais, c'est ça. OK. Autre bonheur. OK. Ben, ça, c'est vraiment mon bonheur à moi. Gosser le monde. Après Gossip Girl, voici Gosser le monde. Ben, écoute, si tu me dis que je te gosse, je risque de continuer encore et encore car je suis infatigable. Est-ce que ça te rappelle une histoire avec un certain post-it et accordéon? Et maudit. Ça fait partie de mes anecdotes. On en parlait tantôt David de Portendu. J'étais en train de travailler, je me concentrais vraiment, vraiment fort. Puis Stéphanie a joué avec les post-it en accordéon, là. Que tu peux tirer dessus comme un slinky. Puis là, jouer avec mon slinky puis avec le bloc de post-it, sans cesse, ça faisait « flac, flac, flac, flac, flac, flac, flac, flac, flac, flac, flac, flac, t'es dans un gossante. Beau moment. Oui, mais c'est parce que j'aurais probablement arrêté après 2-3 fois, mais il m'a dit « Ah, t'es gossante. Ah, ouais? » Tu sais, quand je prends le ton de « Steph, tu me tapes tellement ses nerfs. » Ouais, mais t'as crinqué. Tu la crinques dans ce temps-là. Ouais, j'aime ça être crinqué. J'aime ça. On va voir si toi, je vais voir de quoi, parce que moi aussi, j'aime ça être gossant des fois. Ben, sans blague, hein. Ouais, on va voir. Non, mais faut pas que tu me touches. Moi, j'ai ma bulle, puis je risque de te frapper. Oh, école. David la touche avec sa main, mais de très, très loin. Oh, Stéphanie, monte les poings. Je les serre fort, fort. Mais à date, il se passe rien. Oh, sinon, il touche ses poings. Hey, non, je vais te sacrer dehors, puis je vais voir à la porte. Sinon, parce que je prime aussi. Prime? J'aime gosser, mais j'aime pas me faire gosser. OK, OK. Plus mal à l'arroseur arrosé. Ouais. Sinon, moi, présentement, je suis totalement obsédée par le jeu Sugar Crush Saga. Ah, comment? C'est comme un genre de Bejeweled, mais des bonbons. Là. C'est pareil comme tous les maudits puzzles. Non, non, c'est pas pareil. Comment pareil. Ça? Non, parce que lui, il n'y a pas de temps. C'est vraiment des défis là, de supprimer toute la gélatine. Ou. Tu peux créer des super bonbons. Là. Pour vrai, c'est pas pareil. Oui, t'as des super power bonbons. En tout cas, fait que bref, tu sais, il y a ça aussi sur une application sur mon iPod. Donc, je joue à ça constamment. Mais quand tu fais des combos, il y a une voix off qui dit genre « Sugar Crush » puis « Divine ». Sauf que j'ai tendance à les répéter à voix haute. Puis je me suis fait dire que j'étais fatigante. Ben, ça doit, hein? Sugar Crush! Puis là, tu répètes Sugar Crush parce qu'on t'a dit que t'étais gossante en disant ça, donc tu le répètes. Exactement! C'est le fun, hein? Je suis tellement agréable à côtoyer. un plaisir de la vie. Un autre petit bonheur. OK? De la bouffe gratis. Ah oui! Hein? OK? Mettons, quand tu vas donner du sang, il y a des galettes et du café. Mais t'as donné du sang, c'est pas gratuit. T'as vidé ton corps de tout ton sang. Ben là, non, honnêtement. Tu sais, c'est un don, là. Ben oui. C'est pas un échange. Ben, c'est un échange de service, tu sais. T'as travaillé fort pour ça, là. Ensuite, admettons que tu vas faire... moi, fin de semaine, je suis allée faire une course, la course du printemps au cégep. Après la course, oh, collation! Fait que là, il y avait des ficelles d'eau, du lait au chocolat. Elle a juste couru un 5 km et elle s'est épuisée pour le reste de la semaine pour avoir son petit ficelle. Pour le reste de la semaine, voyons donc, j'ai été... Ça paraît que Mathieu n'a jamais fait de course de sa vie. Ah, lui, il comprend rien, comprend rien. Moi, c'est dehors les courses. Non. Ensuite, par exemple, la semaine passée, il y avait le gala de la GE où C'est fou a remis des prix à ses chroniqueurs et animateurs. Très fier de l'avoir fait. Il y avait un buffet. Oui, buffet avec des sandwichs avec des croûtes, par contre. Ah, il était bon, tu sais, les petites bouchées, là, comme beige puis vert. Aux œufs puis au fromage, à la crème. Je sais pas trop c'était quoi, mais c'était bon. Sinon, quand j'arrive chez ma mère ou chez mon père, la première place où je vais, c'est dans le garde-manger parce que c'est gratis, c'est ça. Hey, pour opportuniste, et waouh, hein? Gossante, opportuniste, amoureuse, compulsive des animaux, obsessive. Ça va pas mal ton affaire, toi? Ah, j'ai une super belle personnalité. Sinon, dans ce qui est revenu dans le sondage, c'était la nourriture en général. Comme juste les bonnes odeurs de pain frais. Tu sais, tu vas à l'épicerie dans une boulangerie et le pain sort du four. Miam, miam, miam. Sinon, prendre juste un bon déjeuner le matin avec, tu sais, la table pleine de toutes sortes le de buffet, trucs. Là. Ah, ça, c'est cool. Puis surtout quand t'es entre amis, ça, c'est génial. Sinon, tout simplement, boire du thé ou du café, c'est quelque chose qui est revenu beaucoup. Oui. Un petit bonheur tout simple, tout simple. Ensuite, autre petit bonheur, recevoir des compliments. Ah. Par exemple, si tu fais un bon repas à ton copain ou à tes enfants et qu'ils te disent que c'est bon, surtout les enfants, non, ben les copains aussi, parce que c'est très difficile, un gars c'est difficile d'habitude. Ben voyons. Mais les enfants c'est difficile. Donc quand tu te fais dire, oh miam, maman c'est bon, c'est le fun. Tu sais, t'as fait un effort qui est reconnu. Sinon, tout simplement, de pas se faire reprocher tes erreurs. Tu sais, t'es au travail, t'as fait un bon travail, tu te fais dire « Hey, tu sais, bel job! Oui. » Au lieu de te faire dire « Ben là, ça, c'était vraiment de la merde, tu sais. » C'est le fun aussi d'avoir un peu l'inverse. C'est pour ça, des fois, au service à clientèle, si j'ai particulièrement un bon service, je prends le temps de le dire « Merci, madame! » Tout ce qu'ils font en vie, c'est se faire chier par des gens qui viennent gueuler alors que c'est même pas de leur faute, personnellement. Et si seulement une personne prend le temps de te dire que t'as fait un bon travail, ça peut facilement faire ta journée. Je suis bien d'accord avec toi. Quand t'as, genre, à l'épicerie, une madame devant toi qui a pris comme 5-6 minutes à compter son petit change sur le comptoir, là, t'es le prochain, puis ça va être facile, c'est par des bites. C'est juste un petit commentaire drôle. Oui, c'est sympathique. Ouais. C'est le fun d'avoir un petit quelque chose de sympathique. Ça... Je te sors un chèque puis que je te fasse. Genre, chèque en blanc. Ouais. Oh, mais c'est noir. petit bonheur, pouvoir se réveiller par soi-même le matin. Pas de cadran. Pas d'enfant qui saute sur le lit. Pas de chat qui miaule pour manger. Pas de voisin qui cogne du marteau. Hey. Pas de drill en arrière du studio pendant la chronique. C'est génial. Je sais pas de quoi vous parlez. Aucune idée. Sinon, la nature en général. J'ai eu beaucoup de commentaires, par exemple, marcher pieds nus dans le gazon ou l'odeur du gazon fraîchement coupé. Des fois, qu'il y aura un clou là à terre. Oui, hein? Mais oui, mais tu laisses quoi traîner sur ton terrain, toi? Je sais pas, tu vas pas tout le temps sur des endroits contrôlés. Hein? Ben, chez nous, genre. Ouais. Ah, t'es poche. Non, c'est dehors. Ensuite, une balade en kayak, mais sur un lac miroir, tout simplement. Pas de vent, c'est beau. l'odeur de la forêt après la pluie, faire de la raquette le lendemain d'une tempête, des vêtements qui ont séché sur la corde à linge et qui sentent le dehors. Ah oui. Ou tout simplement se coucher dans des draps qui arrivent de la corde à linge. Il y a tout le temps au moins une araignée quelque part là-dedans parce qu'ils sont accrochés à ton linge. Moi, c'est des bonbons. Pas des bonbons. Pas des, j'allais dire des bonbons patates, mais c'est plus des bibites à patates. Des bonbons patates. Oh, miam, s'il y avait ça sur mon linge, je serais en train de me licher. Hey, mais Steph, qu'est-ce qu'on va faire, Steph? On va acheter une carte cadeau pour Mathieu pour un camping. Non, achetez-moi une bulle qui se met par-dessus ma cour arrière pour que le soleil entre, mais qu'il n'y ait aucune bibite et aucun. Non? Il adore le plein air, Mathieu, je crois. Oui, il a l'air d'un grand. Le verre est à moitié plein air. Quoi? J'essaie de trouver une phrase pour faire un titre à l'épisode, mais apparemment, ça n'a pas marché. Oh, mon Dieu. Hey, ça approche déjà, ben, quasiment de la fin. Il me reste deux petits trucs à vous partager. L'avant-dernier, en fait, quelque chose qui me rend vraiment très, très, très heureuse, qui fait ma journée, ce sont les statuts sur les enfants brillants de mes amis Marie-Isabelle et Marie-Pierre. OK, leurs enfants sont des génies ou sont très drôles. Et je trouve ça vraiment le fun de lire ces statuts-là. En fait, d'habitude, je suis vraiment pas fan des statuts sur les enfants. Genre, aujourd'hui, Bob a mangé tous ses brocolis. Ah, puis des photos, puis c'est ben, too much. Là, comment? Tant qu'à ça, là, moi, je préfère suivre par Instagram le quotidien du chat Simon Fitzbay, OK? Vrai, hein? Vrai. Dans le palace son chat de est Mélissa. Adorant. Ouais, exactement. Mais il se passe tant de quoi avec ce chat-là? C'est tout vraiment tout. Palpitant. Donc, j'aimerais ça partager avec vous quelques statuts Facebook de mes amis par rapport à leurs enfants. Donc, je vais commencer avec Marie-Isabelle. Donc, son garçon s'appelle Lancelot. Présentement, il y a 10 ans. Excelsior! Donc, c'est un autre. Donc, premier statut. 29 avril 2013. Lancelot refuse de participer à la causerie du lundi à l'école. Raison évoquée, la causerie se nomme « Retour sur ton week-end » et il refuse le terme « week-end » parce que c'est pas français et que la prof refuse d'en changer le titre. Ah. Non, mais il est-tu génial, cet enfant-là? C'est vraiment génial, ouais. OK. On revient un peu dans le temps. 14 mai 2011. Mon fils veut changer de prénom. Il en veut un original. Ah. Il s'appelle Lancelot. Voyons donc. Ah, il est drôle. OK. Il y a vraiment le sens de la répartie, c'est vraiment... Il est génial, OK? 18 mai 2011. Donc, Marie-Isabelle qui dit « Lancelot va mettre des bas ». Et Lancelot qui répond « Non, je suis un hobbit ». Ah, cool. 1er juin 2011. Donc, Marie-Isabelle qui dit « Bon matin, ma perle ». Et Lancelot de répondre « Bon matin, grande huître ». Ah, attends. 17 septembre 2011. Hein, il était jeune, c'est comme 8-9 ans, là. 17 septembre 2011, Lancelot, une minute après avoir ouvert les yeux ce matin. « Maman, comme le Père Noël n'existe pas, ça veut dire que c'est toi qui se bourre dans les biscuits à chaque année. » Ah, elle est découverte. Vache à lait. Il faudrait qu'elle fasse un blog juste sur son fils. Vraiment. Ah, c'est magnifique. 26 septembre 2011, Lancelot, t'as une faute dans ton agenda. Fais la correction, s'il te plaît. « Non, maman, c'est comme un souvenir. Plus tard, on va regarder ça en trouvant ça drôle. Oh. » Ensuite, 4 février 2012, mon fils, au milieu d'un gala de lutte, me dit « Les sons, les couleurs, les odeurs de ce soir, ça te rappelle pas les années 80? Ah. » Ben, je trouve ça totalement génial parce qu'il est jamais allé dans les années 80. Allé. Je sais pas où il a vraiment trouvé ses comparaisons des odeurs, des couleurs. Écoute, je trouve ça génial. Ensuite, 14 octobre 2012, « Maman, tes choses sentent le vieux et le savoir. » Ça, elle dit, c'est comme un semi-compliment accompagné d'un coup de masse. Et finalement, le 15 mars 2013, « Maman, j'ai commencé ma liste. » Ah oui, une liste de quoi donc? La liste des choses que je vais garder quand tu vas mourir. Aïe, aïe! Il est trop aware, genre. Il est trop au courant de la vie, puis il est trop au courant de tout. Ah. Écoute, il est illuminé, cet enfant-là. Ouais, wow. C'est vraiment très drôle. J'adore ça. On le veut comme chroniqueur enfant. Hey, mais ouais. Quand il va être très ado, drôle. Là... À l'ado, quand tu te rebelles contre tes parents, là. Ah, mais je sais pas. Je pense qu'il a l'air d'avoir vraiment une belle relation avec sa mère. Ah oui. Je pense que il est trop intelligent pour se rebeller. Ouais. Non, invite-la, émission. Ouais, ouais, okay, okay. Les petites perles rares. Et on va appeler ça genre les chevaliers de la table moyennement ronde avec un coin droit, puis un coin trop coupant, puis un coin pour lancer une console. C'est genre... pas long un peu comme titre? Bah, j'aime ça, les titres longs. Les titres longs, c'est mon fort. Et finalement, j'en ai deux de mon autre amie, Marie-Pierre. Là, son garçon, lui, a 5 ans. Et c'est un surdoué, carrément. Là, là je sais pas s'il avait 5 ans lors de ces statuts-là, peut-être 4 ou 5 ans. Donc, il dit « Maman, dis-moi des exercices de chiffres. Donc, Marie-Pierre qui dit « OK, 9 plus 8. » Dit « Ah, oh, maman, c'est ben trop facile. 17, plus difficile. » Dit « OK, 9 moins 6 plus 4. 7. OK, cet enfant-là est comme génial. Moi, à 5 ans, j'apprenais à attacher mes souliers. Il est limite capable de faire des problèmes mathématiques plus que moi, là. Il est limite meilleur, là. Mais il y a 5 ans... C'est un peu déprimant, hein? Ben non, au contraire. Ben c'est déprimant pour nous, parce qu'on n'est pas bon en mathématiques. Ouais. Mais je comprends pas comment ça se fait qu'à 5 ans, il est capable de faire une soustraction puis une addition combinée dans le même problème. Génie, les génies. Ben à 6 ans, j'étais capable de lire les formes de La Fontaine. Ben oui, mais toi, là, t'es bizarre. Et finalement, son dernier son dernier statut, Marie-Pierre qui dit « Regarde, Mathis, un tricératops. » Il dit « Non, c'est pas un tricératops, ça, maman. » Elle dit « Pourquoi? » Ben parce que tri, ça veut dire trois, puis lui, il a pas trois cornes. Aïe, aïe! Ça, c'est fort, là! Bravo. C'est fort, c'est fort. Écoute, oui. Bravo pour vos enfants qui sont des génies magnifiquement bien élevés. J'espère que je vais avoir des modèles semblables. Et finalement, écoute, il y a une fille qui m'a totalement subjuguée avec les petits bonheurs qu'elle a partagés avec moi. Donc, je vais un peu vous les envoyer. C'est un blitz... De ses petits bonheurs. Elle me fait vraiment très rire. Donc, voici les petits bonheurs de Cathy. Donc, détails de la vie qui me rendent heureuse. Des chevilles en santé. Ah. Un pâté au poulet, particulièrement lors des mois finissant en bre. Ah. Regarder un pommier. Posséder des chats et ne pas les partager. Un ventilateur. Ne pas avoir de caries dentaires. Ah. Le lock-out au hockey. Les jeux de mots. Hein, on a peut-être une fan ici, Mathieu. Les veaux. Un lit qui sent bon, des portes d'armoire fermées. Ah, ça, c'est vrai, moi, j'ai ça, des portes d'armoire ouvertes. Mon chat arrête pas d'ouvrir les portes d'armoire. Mais au moins, toi, c'est un animal de compagnie. Moi, c'est ma blonde, t'as gassé. Au moins, c'est pas des fantômes. Non. Mais toi, au moins, tu peux peut-être finir par faire comprendre à ta blonde que c'est fatigant. Jamais. Non, OK, parce que moi, mon chat, elle comprend pas le français. Mais dans quelle langue vas-tu lui parler? Dans quel... Ben, le chat. Mais okay. Parce que j'ai encore un accent très prononcé De capcha. Ah. De capcha. T'as un accent de capcha. Oui, mais c'est supposé comprendre. C'est ça, ça. En tout cas, finalement, OK, où j'étais rendue, dépendamment, les coupons rabais, les gens qui laissent vivre les pissenlits, les voisins gentils, le dernier jour d'école, l'odeur intérieure des autobus jaunes, les paniers de rangement, les pigeons roux qui niaisent une bande de pigeons gris derrière la maison, les feux de camp, les probiotiques, les doudous, les choses jaunes, dénicher une canne de conserve ancienne, genre des années 50, vide, avec un peu de rouille, mais avec le couvercle au marché aux puces. Ne rien tâcher lorsqu'on se fait une teinture maison. Faire des biscuits maison. L'automne, les récoltes. Et finalement, niaiser sur Facebook à faire une liste de petits détails de la vie au lieu de finaliser un travail. Ah, procrastiner. Ah, procrastiner. Ça, mais c'est un classique pour tous. Elle aime tout dans la vie, ton amie. Hein? Ah, écoute, je la trouve fantastique. Elle est géniale. T'as des amis fantastiques, toi. Oui, pour vrai. Hey, pour vrai, je pense que c'est le moment de le dire. Le destin m'a amené à Trois-Rivières. J'ai vraiment pratiquement mis mon doigt au hasard sur la carte. Là. Et c'était, je pense, un choix judicieux. J'ai rencontré des gens formidables, dont vous, mes chers amis. Oh. Moi, même toi aussi, David Ferron. Même moi. Voyons, t'es dedans, mais de l'air poqué. C'est parce que t'es ici ce matin. Si t'avais pas été là, t'aurais jamais mentionné. Ben moi, non, mais... moi, j'étais là. Dès le départ. Puis tout... Est-ce que tu te sens là aujourd'hui, Stéphanie? Si je me sens là? Ouais. Ouais. Donc, tu t'aimes beaucoup? Hein? Ben oui, il faut s'aimer soi-même, sinon on peut pas aimer personne d'autre. Ouais, c'est vrai. Si t'es pas capable d'amour pour toi-même, tu seras jamais capable d'amour pour quelqu'un d'autre. Ah, c'est sage, c'est sage. Hein, ouais. C'est beau, hein? Est-ce que je peux ajouter des petites affaires? Oh oui, est-ce que t'as des bonheurs? T'es pas toujours pessimiste, Mathieu? Non, ben, tu sais, j'ai une collègue qui s'appelle Tout le temps de quoi et j'aime beaucoup chialer, mais c'est vrai que c'est bon de dire les choses qu'on aime une fois de temps en temps. Décompresse un peu, là. Par exemple, juste prendre des siestes au soleil l'été. Oui. Tu fais du plein air, toi? Non. Attends un peu. Sur mon lit, en dedans, mais avec le soleil qui rentre par la fenêtre. C'est incroyable. Là, t'as chaud, mais tu dors pis t'es vraiment c'est bien. C'est vrai, c'est le fun, c'est que la fenêtre ouverte. Des fois, si on est chanceux, il y a une petite brise qui vient nous chatouiller. C'est le fun. J'adore commander quelque chose sur Internet et attendre après. Peu importe si c'est quelque chose de gros ou de petit, ça m'excite, j'attends. Puis là, j'arrive à la maison le soir, il n'est pas encore arrivé. Ah, ça peut être demain. Ça prend super longtemps, mais t'es excité tout le long. Puis là, quand il arrive, tu veux te recommander d'autres choses pour pouvoir avoir ce feeling-là. Surtout si tu le commandes en Chine. Tu sais, je commande des boucles d'oreilles à une pièce, fait que je peux en commander beaucoup. Fait que là, des fois, même, ce que je trouve le fun, c'est que j'oublie que j'ai commandé quelque chose. Puis là, ça arrive, c'est comme une surprise dans boîte à mal. C'est comme une surprise dans boîte de céréales, mais dans boîte à mal. C'est vraiment ça. Quand il faut aller le chercher à l'entrepôt, c'est encore plus fun aussi. C'est comme un petit défi de plus. C'est fun. Tu sais là, que tu peux montrer à tout le monde. Regardez, j'ai un colis. Oh oui. Mais c'est pas un cadeau, je l'ai payé. C'est ça, ça fait des dettes. Pas mal, avec le temps. Et juste zapper à la télé pour rien. Tu sais, même si tu sais qu'il y a quelque chose de bon à regarder, mais tu le regardes pas, tu zappes juste parce que c'est le fun. Pas zapper littéralement parce que moi, on faisait channel up, channel down, puis c'était rapide. Maintenant, avec un satellite, c'est comme zap. Attendre. Là, il est là. Zap, tu sais. Fait que tu regardes dans le guide, mais tu cherches, ça. Tu regardes. Des fois, tu tombes sur quelque chose d'encore meilleur, ça. Surtout quand l'heure arrive, quand tu sais qu'il est comme genre presque 17h. Ah non, ça, j'haïs ça. Il y a rien. T'es comme des annonces. Mais t'es comme super stressé. Ah, il est 5h. Faut que j'écoute quelque chose. Faut pas que je manque le générique de début de Victorious. Ah, oups, c'est super quétain. Qu'est-ce que ça explique? C'est quétain. La chanson est super quétain. Mais j'adore Victorious, une sitcom pour enfants. Ah. C'est dans mes préférés. Ah, wow. Oh. J'en ai un autre, mais j'ai envie de le garder pour un Tu manges mon cœur avec toi, moi. Hein? Ok. Ben, j'allais dire quelque chose. Hey, t'as pas dit telle affaire, mais je le dirais pas si c'est ça. Je sais pas. C'était pas clair. C'était pas clair. Ah, mais c'est pas grave. C'est assez. On a assez fait. David, est-ce que t'as quelque chose à rajouter? Ah, ben, c'est pour vous. Est-ce que vous voulez que je chasse une liste ou. Ben écoute, t'en as des petits bonheurs qui te viennent spontanément. Ben, je t'en ai dit quelques-unes. Ben Stéphanie. Oui, partage ça. Ben, c'est vraiment. Ça a l'air absurde, mais bon, ça fait partie de moi. Il y en a plein. D'abord, quand les couvertures sont à la bonne température. C'est-à-dire que quand. L'été, tes draps sont frais et l'hiver, tes draps sont chauds. Tellement. Puis ça, là, c'est un bonheur total. Puis en plus, ils sont bien dépliés, sont bien mis. T'as bien fait ton lit en plus. Donc, tu te sens confortable et bien. Ah, oh, c'est bizarre. Moi, je préfère me coucher dans des draps en tapons. Ah non, je suis pas capable. Quand les draps sont lisse-lisse ou pire, quand les draps sont entrés en dessous du matelas. Non. Ah, moi, je suis claustrophobe des pieds. Oui, moi aussi. Ah, OK. Hein, on se comprend tellement, Stéphanie. Moi, même des fois, j'ai mes bas, puis je suis comme, ah non, je fais le pas bien, mais j'enlève mes bas. Oui. Ou si j'ai les bas dans ton lit? Non, mais juste dans la vie de tous les jours. Non, moi aussi, les bas, il faut que j'enlève ça. Non, claustrophobe des pieds, je te. Oui. Ça on n'est pas les seuls, je suis sûr. On pourrait se partir à un club. OK. Donc, si vous nous entendez à la maison et que vous êtes claustrophobe des pieds, faites-nous signe. On veut plus être seul. Merci. On parle de page Facebook. Wow. Mais aussi les yogourts grecs. Ça, tu veux pouvoir planter ta cuillère dedans puis que ça tienne debout. Hein? Oui, j'adore ça. Miam, miam, miam. Oui, mais j'aime pas ça. Je déteste ça. Bon, oui, mais tant qu'avoir un yogourt mou, t'en belle boire. Je suis tellement d'accord. Tu sais, genre, silhouette Splenda, nos saveurs. C'est bon, les silhouettes, non. Moi, non, mais le Méditerranée, c'est le meilleur. Il est super gras, là. Mais tu sais, genre coconut ou citron. Oh, ouais. Ah, citron, oh. Ouais, c'est ça. Ça fait ma semaine. Hey, coudon, on s'en achète un pot la semaine prochaine. Eh oui, au palmarès demain, je t'en achète un et on le partage. Ah, on va manger main dans la main, cuillère dans la cuillère. Ouais. Manger en cuillère, finalement. On a dit de même. Voilà, donc c'est tout, David, est-ce que t'as... Ben, j'avais un petit dernier. Vas-y, un dernier. En fait, ça va... Quand j'ai un disque physique, c'est de découvrir l'intérieur même... Un CD ou un vinyle? Un CD, désolé. Okay. Un CD, même sans avoir écouté l'album, j'aime ça, explorer le CD, de voir les paroles, lire les remerciements. J'ai un petit côté quétaine aussi. Ben non, c'est le fun. Puis de voir comment le disque est fait, est-ce qu'il est en plastique, est-ce qu'il est en carton, qui est là-dessus, comment c'est fait. On dirait que j'ai comme une curiosité bizarre et anthropologique sur une pochette de disque non, compact. Mais je pense que c'est quand même répandu. Moi, je fais la même chose avec les jeux vidéo, les petits livrets qu'il y a dedans. T'sais, ça sert absolument à rien, mais c'est le fun à avoir. Ben, il y a des trucs que c'est le fun à voir en vrai, tu sais. Pas juste version numérique. Donc, moi, pour ça, un livre, j'aime ça le toucher. C'est le fun, le tactile. Il n'y a pas rien que les écrans tactiles dans la vie. Donc, merci David, merci Stéphanie. Hey, ça fait plaisir. Merci Mathieu. Les petits bonheurs qui seront de retour un jour. Puis merci à tes amis aussi. Oui, merci à tous mes amis qui ont participé au sondage. J'ai eu vraiment beaucoup de réponses, toutes plus cocasses les unes que les autres. Il y aura peut-être un petit bonheur à un moment donné, une autre fois. Peut-être que tu feras des éditions spéciales si tu veux le faire de temps en temps. Peut-être. Pour l'instant, on se quitte avec une pièce que tu as choisie. Oui. C'est Teenage Icon. The Vaccines. Oh yeah. Oh, je l'aime. Et on revient plus tard avec d'autres chroniques. La fun, comme Kiki Sexy Time. Woo! Oui. retour, Kinky Sexy Time. Ah, menum, menum. Hé, quel effet sonore, hein? Assemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est fou dans vos oreilles. Sur le net, ou c'est fou.ca. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. 8h26. Il nous reste encore une 35e de minutes à l'assemblage requis. Stéphanie Paradis est en remplacement de Jean-Philippe Charbonneau. OK, oui. Mathieu Plante est en remplacement de lui-même. Oui, David Ferron qui est là parce qu'il n'y avait personne d'autre, fait qu'il s'est dit m'en venir les déranger. Ben oui, je le bouche trou, mais je suis sûr que ça vous fait plaisir que je sois là. Ah, que tu bouches nos trous tout le temps, quand tu veux. Avec ah. plaisir et avec profondeur. Oui. Parlant de profondeur. Voici Kinky Sexy Time. Kinky Sexy Time, c'est évidemment la chronique sœur de C'est un fait. Donc, on fait une liste de faits par rapport au sexe. C'est pour un public plus ou moins averti. Donc, vous le savez, on vous avertit dès le départ. On vous plus ou moins avertit, c'est ça qu'on fait. Ouais, c'est ça. Ben, ça. Faites plus ou moins attention. C'est juste de pas laisser les enfants écouter ça nécessairement. Et allez chercher la liste des faits complète sans aucun filtre sur twitter.com/asrequis. Twitter.com/asrequis. Il y a une liste Kinky Sexy Time là-dedans. Commençons avec un premier fait. 70% des femmes suédoises disent avoir participé à un ménage à trois. Hein? Tu sais, ouvert d'esprit, ça, en Suède, hein? Ben, c'est pas la même mentalité, je pense, qu'ici, hein? Non, non, non. Ils ont un drôle de tissu, mais ils ont des... Un drôle Suède. De... Oh, carrément. Hein? Hein? Bon. Presque l'inverse, le pourcentage inverse, presque 30% des personnes, des gens, sont des vierges lorsqu'ils se marient. 30%. On quelle dit erreur! En général. Oui, quelle hein? erreur! Faut que tu testes la marchandise. C'est un petit road test, là. Non, mais ça a l'air niaiseux, mais c'est vrai, si t'es pas compatible sur ce point-là, tu vas être malheureux le restant de tes jours. Ouais, voilà. C'est ça. Les nuits vont être longues en mots. À moins de vraiment pas aimer le sexe, là. Mais je pense que si t'aimes pas le sexe, parce que t'as pas trouvé la bonne personne pour te montrer comment ça marche. On a déjà parlé du fait qu'il y avait des gens qui étaient asexués ou, tu sais... Ça arrive. C'est pas mais asexué, c'est un problème d'hormones. Non, c'est pas ce mot-là. Asexu. C'est sûr qu'il n'aime pas le sexe. Il y avait un terme pour ça. Tu vois, je m'écoute même pas dans mes propres chroniques. Non, mais il y a une différence entre ne pas avoir une forte libido et ne pas aimer le sexe. OK, ouais, j'imagine. David, t'allais dire? Ben, en fait, peut-être que les gens sont des couples ouverts, là. Hein? Par rapport à quoi? Par rapport à quand, par exemple, il n'y a pas de sexe avant le mariage ou. Peut-être, parce que là, on parlait des gens vierges, comme quoi les gens, 30% des... Mais non, ils sont pas ouverts, ils ont jamais ouvert quoi que ce soit. Ouais, c'est vrai. Mais peut-être sentimentalement, peut-être qu'ils ont deux amants, mais qu'ils gardent leur pureté. Ah là, on s'embarque dans les théories, là. Ça se pourrait, potentiellement. La marque de condom Ramsès, on connaît Ramsès, hein, est nommée en l'honneur du grand pharaon Ramsès II, qui était père de plus de 160 enfants. Donc, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Iiii. 160 enfants. Comme de, ça serait le temps que tu te protèges, là. Mets un couvert sur ton pot. Maçon. Maçon, c'est ce que je cherchais. Maçon. Ramsès et Maçon. La nouvelle émission de détective à TVA. Ramsès et Maçon. C'est comme l'autre émission avec Tipper et. Rock'n'Roll. 15%. Mauvais. 15% des adultes ont eu des relations sexuelles au travail. 15%. OK. Pas pire. J'imagine que le studio a vu sa part. Si ses murs pouvaient parler. L'orifice par en arrière, là, dans la chaîne, là, qu'on appelle, de notre corps. J'appelle ça ma chaîne. Ta chaîne? C'est là que je mets mes pneus. Non, ça, c'est en avant de ma bedaine. Donc, l'anus, le trou dans l'arrière, a plus de terminaison nerveuse, et le terme que Stéphanie aime utiliser, que n'importe quelle autre partie du corps. C'est pour ça que les gens aiment les relations dans la chaîne, finalement. C'est ça? Ça dépend à qui. Dans ses outils, puis quand même. C'est pas tout le monde qui aime ça, là. Non, non, mais je dis que c'est pour ça qu'il y en a qui aiment ça, parce qu'il y a beaucoup de terminaisons nerveuses, donc c'est plus sensible à paranarger que paranavin. Ça veut dire que probablement que les gens qui aiment pas ça, c'est sûrement comme une restriction psychologique, oui. si on veut. Je pense c'est à cause de ce qui passe par là qu'ils veulent pas avoir de contact avec. Ou de tout simplement, oh non, non, si j'aime ça, c'est parce que je suis homosexuel. Alors qu'il n'y a absolument aucun lien avec l'homosexualité. Pas tout. Mais il y a des fois un petit relais d'homophobie qui peut remonter. C'est tout simplement. De quoi je vais avoir l'air société, blablabla. Ou moi-même, je vais penser que moi-même, je suis peut-être de ce côté-là. Alors que, on s'entend là-dessus. Alors que ça n'a absolument aucun lien. Bon, c'est dit, là, on l'avait dit, public plus ou moins averti. Regarde, on vous avertit, là. Bon. Les gens qui sont capables de. OK, on recommence. Les gens sont capables de tolérer la douleur mieux, OK, plus, s'ils font des. S'ils ont des fantasmes sexuels pendant qu'ils vivent la douleur. Si t'as des fantasmes, par exemple, par une relation sexuelle, tu vas te faire fouetter, tu vas moins sentir parce que tu fantasmes sur ce que tu es en train de vivre, peut-être. OK, ouais. Tu comprends? Ou encore, si tu frappes le pied contre un bureau parce que tu es en train de fantasmer sur ta collègue de bureau, ben, ça va faire moins mal. Hein? On se comprend? Ah, ben oui, c'est logique. C'est bon. Next, hein, c'est ça. En 1982, un prêtre a coupé son engin et l'a lancé dans un feu. Je sais pas si c'était pour libérer les démons. D'habitude, quand tu veux libérer le démon, t'as juste à floc, à floc, à floc, mais... mais ils ont pas le droit de faire ça, apparemment. Ah, ben, coudonc. C'était, ouais. Un sondage nous apprend que les hommes et les femmes préfèrent un visage attirant et non un corps attirant pour une personne, pour une relation à long terme. Pour une relation à long terme, tu préfères un beau faciès qu'un beau corps. Mais c'est vrai que, tu sais, si tu regardes la personne avec qui tu partages ta vie, puis tu disais à tous les jours, mon Dieu, qu'elle est là. Il y a ça aussi. C'est un peu triste. Mais la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Comme dit le proverbe. Oui, oui. Mais faut que tu trouves beau sa face. C'est ça. C'est ce que c'est un résumé. C'était... Non, mais c'est vrai, tu regardes quelqu'un, beau corps. Non, il n'y a pas un beau visage. Face déjà. Ça fait comme il n'est pas beau juste à cause de son visage. Puis donc. T'es tanné de mettre des sacs bruns sur ton partenaire. Oui, des fois, ça peut créer un petit malaise dans le couple. Ben, faut que tu payes 5 cents à l'épicerie à cette heure ou non. Ouais. Ça devient cher là, de ne pas avoir honte. Voilà. Tout le temps de dos, tu sais, à un moment donné. Ouais. Mais sachez-vous, chers auditeurs, on vous aime peu importe votre apparence. Ben oui. Parce qu'il y a des lettres en tapant de c'est pas vrai. Sac brun ou non. Parce qu'on couche pas avec vous autres de toute façon. Non. On a des microphaliques, mais c'est pas ça. Au Moyen-Âge, je vais n'importe où. Là. Au Moyen-Âge, les gens préféraient de petits seins, une petite poitrine. Donc, les femmes portaient des corsets pour aplatir leur poitrine qui était trop grosse. Hey, hein, les temps ont changé. Ben oui. Puis aussi, si les femmes plus enrobées étaient plus attirantes parce que ça a un lien avec l'opulence et tout ça, blablabla. Bla, bla. Les gens étaient riches. Ceux qui étaient gros étaient riches. Donc, ils pouvaient se permettre plus de nourriture. J'ai comme scellé de la bouche en faisant cette lettre. Riche. Tu vois, quand je dis riche, je pense que ça fait un trop de son. Mais, j'aime juste de réaliser. Mais c'est ça, moi, j'ai une petite phobie parce que c'est à mode les espèces de docks, des bouches. Les duck face, oui, les faces de canard dans le miroir. Mais c'est ça, c'est comme. Steph en fait une très belle en ce moment, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, comme Lana Del Rey. Elle a une très grosse bouche de canard, mais ça, ce que j'ai peur, mais c'est que les gens qui ont les moyens d'avoir ça, mais peuvent se le mettre, puis que là, ça devient un standard de beauté. Se le mettre, ça veut dire se le permettre, c'est ça? Ben, exactement, oui. Dans le sens, parce qu'on a l'argent pour avoir une bouche de canard, donc ça va donner l'espèce de standard beauté d'ici 5 ou 10 ans. Là. C'est comme une crainte que j'ai. Là. Tout à fait. Yeah. Je pense que t'as raison. Yeah. Malheureusement. Décrivez-moi, les amis et les enfants, oculolinctus. Oculolinctus. Lichez l'œil. C'est à peu près ça. Est-ce que j'ai déjà fait? Tu l'as déjà fait, d'accord. Mais mais oculo, œil, puis lynctus, langue, donc... D'accord. Donc, c'est s'exciter en léchant l'œil de quelqu'un. J'ai déjà fait ça, je me rappelle ouais, pas. Ouais, mais c'est dégueulasse de toute façon. C'est vraiment... J'ai essayé d'éviter ça dans mes souvenirs. Les chauves-souris ont des relations sexuelles en plein dans les airs pendant qu'ils volent. Cool. C'est cool, on aime ça. Batman, on sait pas. Batman, il vole même pas pour vrai. C'est vrai, il plane, hein? Il plane dessus? Non, il a juste une cape, hein? Il a juste une cape. C'est un wannabe, c'est un poseur. C'est un wannabe certain, il n'y a même pas de pouvoir. Un wannabe poseur. Des études psychologiques nous montrent que porter des sous-vêtements sexy va avoir une grande différence dans comment une personne va se souvenir d'une relation sexuelle. Si t'avais des beaux sous-vêtements, la personne va se souvenir plus de la relation que si t'avais des sous-vêtements de grand moment. Mais admettons que t'es enlèves en cachette. S'ils sont laids, t'es enlèves en cachette. Ouais, que t'en portes juste pas, là. Hein? Que t'emportes juste pas, que t'es enlèves complètement, donc il y aura pas de sous-vêtements? Moi, c'est ça. Tu t'es enlèves en cachette, là, pour pas qu'ils voient que t'as des grosses bobettes beige. OK, peut-être. Ça s'annule-tu? Peut-être. Okay. Faudrait demander à l'étude psychologique. Faudrait demander à la personne qui a des bobettes beige. Oui, mais on vous plaint. Appelle-nous au 819-377-5183. Un autre mot à décrire. L'abasiophilie. La quoi? Abasiophilie. L'abasiophilie. La peur de... Non, Philly. L'amour de... Je sais pas. C'est l'attirance psychosexuelle envers les gens qui ont une mobilité réduite. C'était la journée de la mobilité réduite ou des handicaps récemment. Hier, en fait, si on s'en rappelle. Hier, 30 avril. Donc, particulièrement ceux qui ont un appareil ou quelque chose, une chaise roulante ou, tu sais, un équivalent des béquilles, n'importe quoi. Quelqu'un qui a une mobilité réduite et qui a un appareil pour se déplacer. C'est peut-être parce qu'ils sont plus vulnérables, donc c'est pour les dominateurs, ça. Je crois que oui. Les grands dominateurs nés qui veulent... avoir du pouvoir, contrairement à Batman. Peut-être que Batman aime violer des personnes en chaise roulante parce que c'est son seul pouvoir. Ou peut-être que c'est lui qui cache Kenny. Kenny, je sais pas si vous vous rappelez du film Kenny. Kenny dans le film avec le garçon en roulis roulant. Oui, exactement, oui. Oh, sympathique. Ouais. Tu le veux comme ami. 70% des couples mariés, selon un sondage, admettent, T-T-E-N-T, à se toucher séparément. Ou à regarder l'autre personne se faire plaisir. Donc, 70% des couples mariés se touchent individuellement ou regardent l'autre le faire, mais pas ensemble, donc. Non, mais s'ils se regardent, c'est ensemble. Oui, mais c'est pas ensemble dans le sens que l'un touche l'autre et l'autre touche l'un. T'sais. Il n'y a pas de contact réciproque. Il n'y a pas d'interconnexion entre les deux parties intimes. Oui. 70%. Seulement 61% des hommes religieux admettent de se toucher. OK, puis les autres, ils le font en cachette? C'est ça. OK. C'est ça. Clair comme ça. Un autre sondage montre qu'environ 22,6% des femmes ont intentionnellement été pris sur le fait en train de se toucher. Combien? 22. Les chiffres, hein, c'est ça. 22,6% ou dans ma tête, 62,2. Mais c'est pas ça. Donc, 22% environ des femmes ont fait exprès pour se faire prendre. Par exprès? Par exprès. Intentionnellement, donc. OK. C'est juste 20%, c'est pas tant ça. Ben, c'est beaucoup là, de vouloir faire exprès. Mais selon une étude. S'il y a quelque chose que j'ai envie de faire dans l'intimité et que personne ne me voit. C'est bien ça. Hein? Ben, je sais pas. Là. À n'importe quel moment donné de la journée, au-dessus de 790 000 Américains sont en train de se toucher. Hein? Cool. C'est plus que la population de l'Alaska au complet. Cool. Cool. On aime ça, des détails comme ça. Des détails. Oui, des détails. Des détails. Sur la côte de la Colombie, c'est très commun pour un garçon de perdre sa virginité à un âne. Et on croit que ça va faire grossir leur engin. Pas à l'âne, là, aux petits garçons. Ils vont avoir un plus gros engin s'ils font ça avec un âne sur la côte de la Colombie. Mais mon Dieu, où est-ce que le monde s'en va? Bah, vers un plus gros pipi! En 1999, un tampon vibrateur a été créé. En 1999. Un tampon vibrateur? Tampon vibrateur. Est-ce que tu veux pouvoir le commander à distance via Wi-Fi sur ton iPhone 5? C'est un peu effrayant si jamais il y a eu des complications durant... Je vois pas l'intérêt, honnêtement. Je voulais entendre l'explication de David. Non, mais tu sais ce que ça mène, ces histoires-là. Je sais pas, mais j'étais curieux. Hé, hey, parlant de tampons, là... Ouais, on a le tampon! Oh! Ben là, pas tant que ça. C'est assez. Vas-y. Non, le gag est vraiment fini, David. Okay. Non, mais ça a l'air qu'il y a une nouvelle mode là, pour les jeunes femmes de se saouler. Ils trempent le tampon dans la vodka. Puis spook. Ça a l'air que ça saoule. Là, mais spook. C'est ça qu'on appelle poker sur Facebook. Ça se met un... Bref, je trouve ça tout à fait insignifiant. Ce l'est, mais bon. Si jamais le copain avait le contrôle de la vibration, ça pourrait être pratique. Par contre, il y a des vibrateurs qui sont contrôlables avec un petit bouton à distance. Je sais pas s'il y a un fil après ça. Il y en a pas de fil. Pas de fil. Pas de fil! Hey, mais le problème, c'est que, admettons que tu vas au restaurant avec ta blonde qui a ça, mais qu'il y a une autre fille qui porte le même modèle. Ils sont sur la même fréquence, gigahertz. Exactement. tu peux te démarrer. Fait que si tu fais sur le piton et que la voisine de ta fait « Ouh! » ça veut dire qu'elle porte ça elle aussi. C'est que t'as le routeur sur le même canal. Exactement. C'est ça. Plus d'argent un homme fait, plus il a la chance de tromper sa femme, selon l'étude. Ah ouais? Plus d'argent est fait, plus il va tromper sa femme. C'est comme s'il se sentait protégé. Je pense que oui. Tout lui est permis. Ou parce qu'il attire plus de filles qui trippent sur le pouvoir ou l'argent. Ah, peut-être aussi, oui. En 2011, un homme du Minnesota a été arrêté pour avoir converti un vibrateur en appareil explosif. Il l'a donné en cadeau de Noël à sa copine. Il a booby-trap, il a hacké le vibrateur de sa copine. Il lui a donné comme cadeau. Fait qu'il voulait y faire exploser le vagin? Ouais. Hein? Hey, non, mais c'est dessus. Hein? C'est bizarre. Aïe, aïe. En tout cas, on passe au prochain, ça me fait trop peur. On l'a déjà fait. Mais j'en reparle quand même parce que je trouve ça intéressant. La plus chauphilie. La? Plus chauphilie. Ah, ça, c'est un problème avec les ours en peluche, je pense. Hein? C'est une attirance envers les animaux en peluche. Ouais, un problème. Hein? Un problème. L'attirance peut être sexuelle ou non sexuelle, dépend de la personne, ou du plushie. Le plushie, ça peut être la personne qui peut se déguiser en peluche. Oui, et oui. Et l'autre oui. personne n'est pas nécessairement déguisée. C'est quoi, hein? les furries, ben, ça dépend. Je crois, là, je suis pas un expert, qu'il y a une différence entre les plushies et les furries. Je pourrais pas dire. Bref, on fera pas de grosses études là-dessus. Là. C'est un petit effet en rafale. C'est ça. L'anorgasmie. Est-ce qu'on connaît ça, l'anorgasmie? La non-orgasme. C'est ça, c'est une dysfonction sexuelle où une personne ne peut pas se rendre jusqu'à l'orgasme, même avec stimulation adéquate. Ça s'appelle l'anorgasmie. Triste. Oui, en effet. Il y a un condom qui est fait pour l'application rapide. Allez voir les vidéos sur YouTube. C'est un condom qui peut être mis en moins de 3 secondes. Pas de gaspillage, pas de perte de temps. Oh! Pas de perte de temps et pas de perte d'autres affaires aussi. C'est intéressant, ça. 3 secondes. Floc à floc. Aucune raison maintenant de dire « Ah ben, c'est trop compliqué, c'est trop long, oui. Blablabla. » J'ai une banane dans l'oreille. En 2003, je sais pas, en forme de banane. En 2003, un homme du Texas s'est réveillé d'une chirurgie de la vessie. Okay, pour découvrir que les docteurs avaient enlevé son pénis sans permission. Hein? On a le droit à une mention du mot pénis par conique. Ouais, ça fait deux fois. Ouais, il s'est fait enlever ça à la place de la vie. Mais tu dis sans permission. Qui donne la permission de ça? Ben, le patient. Ben oui, mais il n'y a personne qui va dire oh « Oui, je te donne la permission. » De. Ouais, ben, à moins non, de ne pas avoir c'est... de problème. Hein? Non, mais il y a des gens qui changent de sexe. Ça peut arriver. Peut-être que c'est mélangé dans les cartes. Mais... OK, tu veux dire enlever de ce... Ils ont fait un vagin? Ou... Non, mais ils ont enlevé. Mais juste enlevé, il est devenu un Ken, genre? Ben, je sais pas. Hey, je sais dessus, mais je non, sais non, pas. Bonne question. Que tu me parlais de changement de sexe, mais là, c'est pas la même chose. Là. Non, mais c'était une théorie que j'avais. J'imagine que ça va être pour ça. Là. Je sais pas, mais peut-être. Ah, ben, c'est bizarre. C'est un effet bizarre. Voilà. Je sais pas si ça se repose. Bonne question. Je sais qu'Alex, il faut remettre un pouce à la place. John Bobbitt en est l'exemple parfait. Ouais, ça, c'est sa copine qui lui avait coupé là, après une grosse chicane. C'est ça, hein? Une grosse chicane? John Wayne Bobbitt, hein, c'est ça? Pardon? Ouais. Il s'appelait Bobbitt en plus. Puis il est devenu. Les mauvais sont slack jusqu'à depuis ce temps-là. Hein? Oh. Puis il est devenu acteur porno après. Ah, pour vrai? Ouais. Ah, je sais pas. Oh, ça, c'est bizarre. Bizarre. Une femme au Mexique a performé une césarienne elle-même. Performée? Ben, performée. C'est un spectacle. Ouais. Dinner and a movie in a cesarean section. Donc, elle s'est fait une césarienne elle-même sans aucun training médical, aucun cours là-dessus. Elle s'est fait elle-même sa césarienne. Elle devait être dans un état d'urgence, sûrement, j'imagine. Ou elle voulait pas aller à l'hôpital. Elle fait pas confiance au docteur, peut-être. Ah, ben oui. La femme américaine moyenne est propriétaire d'environ 21 paires de sous-vêtements. Combien avez-vous de paires de sous-vêtements féminins, tout le monde? Juste ça? Oui, juste 21? C'est pas beaucoup, hein? Ben, c'est pas beaucoup. Mon Dieu, il me semble que mon tiroir déborde, explose. Un de chaque couleur, là, un de chaque senteur, un de chaque saveur. Ben ouais. C'est ça. Mercredi est considéré comme la meilleure journée de la semaine pour sortir pour un premier rendez-vous. Ah! La meilleure journée pour un blind date ou un first date, là, juste en général, un date. Une date. Je me demande pourquoi. Je sais pas. Peut-être lundi, t'es stressé. Mardi, c'est quasiment lundi. Jeudi, la semaine est presque finie. Mais pourquoi vendredi, il semble que c'est un beau temps, non? Ouais, t'as moi congé aussi, le lendemain. Oui. Mais c'est vrai. Oui, c'est ça. Mettons que la date marche pas le mercredi, tu peux te donner comme excuse je travaille demain matin. Ah, c'est ouais. bon. C'est ouais, sûr, c'est bête. Ça. On a trouvé pourquoi. Mercredi. Ah, ben ouais. Wednesday. Le canard qu'on appelle le Argentine Lake Duck. Et il est connu parce qu'il peut attraper quelqu'un avec son engin, son pénis est un lasso. Il va attirer quelqu'un en le traînant avec son lasso. C'est bizarre, hein? Prend en piège comme engin de. Ça, j'essaie de transposer l'image aux êtres humains, puis c'est assez cocasse. Non, mais. Ou du cochon avec ta queue en ta bouchon. C'est quasiment du harcèlement, là. À oui, peine. Des canards. Ouais. Après Duck Face, Duck Rape. Duck Rape. Oh, fort. Oh. Tu l'as trouvé. Il nous reste une petite rafale de genre 6 faits rapidement. À plusieurs hôtels, demander un oreiller en surplus. C'est un code pour vouloir une prostituée. Tu demandes un oreiller de plus, ça veut dire une prostituée. 68% des femmes américaines disent qu'elles n'auraient jamais d'affaires extra-conjugales. Elles disent qu'elles participeraient dans une affaire extra-conjugale si elles savaient qu'elles ne se feraient pas prendre. La phrase la plus difficile à traduire au monde. Si elles savaient qu'elles ne seraient pas pognées, ça ne la dérangerait pas de tromper leur mari. C'est ça que ça veut dire. Ah. 68% des femmes. Ah. 68%? 68% des femmes. Bande d'ingrates! Ben oui. je comprends pas comment tu peux vivre avec de tels remords, de tels... Non. Comment peux-tu dormir la nuit? Aucune idée. Plus de 90%. Tu dors pas, tu fourres avec le voisin. C'est ça. Ouais, mais le monde sont pas nécessairement fait en chocolat non plus. Non. Hein? Les gens sont pas faits en chocolat, donc s'il y a une belle créature devant eux, ils ne peuvent pas résister. Plus de 90% des femmes ont des seins asymétriques. Pas droit. Croche. Oui. Ouais. Logique. Ouais. Comme les testicules. Il n'y a rien de symétrique dans la vie. Rien n'est droit. Exactement. 80% des gens disent que la mauvaise haleine est un turn-off instantané. Ou surtout que tu as une mauvaise haleine. 80% des gens disent que c'est pas le fun. Donc, il y a 20% qui aiment ça ou que ça ne lui dérange pas? Que ça leur dérange peut-être moins. Peut-être. Les hommes ont 4 fois plus de chances de coucher, de dormir nu que les femmes. 4 hommes sur 5. OK. Quand même. Et finalement, 3 femmes sur 4, selon un sondage, ils disent qu'elles ne sortiraient jamais avec un homme sans emploi. 3 femmes sur 4, 75%. C'est logique quand même. Ouais, parce que l'autre personne sur 4, elle doit pas avoir d'emploi de toute façon. Il y a ça, le taux de chômage, hein? Non, pas nécessairement chômage, mais en tout cas, qui se ressemble, ça. De non-emploi. Ou le monsieur est un riche rentier. Ah, ben là, je sortirai avec. voilà pour King Sexy Time. C'est tout pour aujourd'hui. On fait ça les mercredis matin. C'est la dernière de la session, donc on va refaire ça cet été dans notre émission estivale qu'on vous tient au courant plus tard. Ça va être chaud. T'as même pas idée. C'est séduisant à mort quand tu dis ça. Comment t'as dit ça? Ça va être chaud. Voici le temps. Hey! Gros succès de Hill Trials et Venus at Your Back Door. Demande de David Ferron, mais si on parlerait anglophone, on l'aurait sûrement joué quand même. Ouais, mais paraîtrait que cette chanson-là a eu une belle dégringolade. Oui, ben un peu, on l'a fait. Mais on l'a moins fait jouer depuis le début. Je sais pas, on dirait que c'est. Tu sais, c'est très bizarre comme chanson. C'est pas tout le temps approprié. C'est plus approprié en fin d'émission qu'en début d'émission. Donc, des fois, on oublie de la jouer. Ouais. Parce qu'on a du quota francophone à remplir. Ça. Mais bref, on l'adore. Hello Trans, Venus at Your Back Door. Et vous allez la réentendre jeudi après-midi dans les Palmarès C'est Fou avec Stéphanie et moi. Oui. Dernière de la saison. Hey, Maxime Tanguay est supposé être là. Ah, pour vrai? Mais il était supposé être là la semaine passée aussi. Hein? Il m'avait dit non. Quoi? Mais oui. Ah ouais? Mais oui. Mais il a dit que pour la dernière, elle allait être là. Good! Yuppie. Ça serait vraiment le fun. Ah, ça va être un beau party demain. Tu vas être là aussi, David? Ben oui, c'est sûr. Fait que le party va revenir. Ça va comme compenser pour le party. Ça va amener un côté plus formel et rigoureux. Ça dépend. S'il amène du yogourt méditerrané au citron, moi, ça va être yogoureux dans ce cas-là. Yogoureux. Ça va être les deux. On a trouvé le nom. Non, ça aurait juste... Yogoureux au lieu de rigoureux. Est-ce que c'est un bon titre d'épisode? Yogoureux, non. Non, ça marche pas partout. J'ai mis celui que j'avais trouvé tantôt. C'était quoi? Je sais pas. C'était le verre est à moitié plein d'air. Ah non, c'est mauvais. On va en trouver. J'ai pas compris. C'est trop mauvais. Hey, dans la vie, David, toi, je pense que t'es un gars. T'es un peu comme. T'imites très bien Bibi. Si on le sait, c'est un fait. Ouais, paraîtrait selon les rumeurs. Vas-y donc, va. Pour nous présenter la chronique. Pour nous présenter la chronique, arrête avec tes questions. Vas-y. Geneviève, arrête avec tes questions, ça m'énerve. Ah, Bibi. C'est arrête avec tes questions. On répond aux grandes interrogations de la vie. On a tous un paquet de questions à se poser comme ça. Et on peut pas tout savoir, mais on essaie de savoir un petit peu par petit peu, hein, les enfants. Oui, monsieur le professeur. Est-ce que vous avez des questions, les enfants? J'imagine. Est-ce que t'es rendu là sur le truc, non? Écoute, merci. Oui. Oui, yeah. Hein? Pose-moi des questions, yeah. Parce que sur le site, il y a des questions, mais je n'étais pas sûr que c'était rendu là. Ah, ouais, mais sont-tu comme en anglais, là? Commence par celle... La première question est, quand est-ce que les gens ont commencé à dire pendant qu'ils parlent? Hein? Est-ce que c'est clair? Là, c'est fâche. Je vais juste lâchez vos ordinateurs, là, écoutez-moi. C'est, le prof, yeah, on est en classe ici, là, les enfants, les ordinateurs, les iPads, les iPhones, là, les écouteurs, les oreilles, c'est assez. On écoute le professeur qui nous explique pourquoi on dit quand on parle, OK? C'est clair, ça? OK. Non? Oui. Vous voulez pas savoir la réponse? Oui. Aïe, aïe. Donc, selon le Oxford English Dictionary, l'hésitation « ça remonte jusqu'en 1469. On retrouve aussi, là, ça c'était « hum » comme dans « h-u-m » en anglais. On retrouve aussi « hum » en 1526. Ha, H-A-W en 1679. Ça, c'est frais chier. Oui, vraiment. Ha. Et « en 1862. Mais ce sont seulement les premières attestations du mot en imprimé. On croit, selon les gens qui sont experts là-dedans, que ça remonte à pas mal plus loin que ça. Michael Erard, dans son livre deux petits points, Slips, Stumbles and Verbal Blunders and What They Mean, il retrace l'histoire, l'historique du et trouve aucune mention, que ce soit le mot ou encore la version grecque ou latine, il trouve pas ça dans aucune fiction classique. Même si on conseille... Dans les livres, genre, de nos jours, de ne pas dire, de ne pas hésiter quand on parle, de ne pas faire de « hum » parce que ça n'a pas l'air classe. Dans son livre, il dit qu'on ne retrouve pas les mentions « hum » souvent dans les transcriptions de cours. Par exemple, c'est la loi, lorsqu'il y a un tribunal, etc. Et d'autres affaires écrites. Et dans les conversations naturelles non plus, on les note pas dans l'histoire jusqu'à l'ère moderne. Ça a commencé très, très récemment. Où on a commencé à écrire, par exemple, dans une transcription d'un tribunal, le mot « homme », avec quelques exceptions, évidemment. Donc, on n'a pas non plus commencé à se plaindre des « hum » avant les enregistrements vocaux, parce que c'est évidemment les enregistrements vocaux qui nous ont fait se rendre compte qu'on disait beaucoup trop souvent « hum ». Avant ça, j'imagine qu'on le remarquait pas, qu'on disait que ça valait pas la peine de l'écrire, que c'était pas considéré comme un mot, mais plutôt comme un bruit, un peu comme tousser. On n'a pas besoin de marquer qu'on tousse dans les sous-titres, par exemple, à la télé, n'importe quoi. On n'a pas besoin de dire « toussement », tu sais. Ça donne rien. À moins que ce soit pour les personnes sourdes. Ben, justement, excellent point. Excellent. Il fait chaud en maudit dans le studio aujourd'hui. Fait vraiment chaud. On est là pour on se plaint, puis on a... C'est comme plus... C'est barnouche. On a mis dans le même fond d'œil. Ben, moi, je suis bien. est un manteau de cuir en plus. Mais lui, ménard. Une petite tâche. Donc, chaque langage a sa propre version du mot homme. Les Français, on sait, ont E, E-U-H. Les Coréens ont UM, E-U-M. Les Finlandais ont O-O avec deux petits trémas sur chaque. Les Russes ont E, E-H. Mon préféré, d'ailleurs, IR. C'est mon préféré. C'est pas le canal IR. Le canal IR. Une blague récurrente à l'émission ici. Et même, comme tu disais, c'est la raison que j'avais dit « Ah, tu m'amènes sur une idée. Hein? » C'est dans le langage des signes, on a aussi un symbole pour le « Est-ce que tu le sais par cœur? » Par cœur, non, je ne sais pas du tout. Pas du tout? Ben, c'est dommage. Donc, c'est très important, donc apparemment assez pour l'avoir dans le langage des signes. C'est une fonction de la langue d'avoir un « un ». Et pourquoi est-ce que c'est aussi important d'avoir ça dans sa langue et pourquoi est-ce que les gens disent « c'est pas parce qu'on est nerveux. Les études montrent que le mot révèle non pas une corrélation avec l'anxiété ou un trait de personnalité particulier. À la place, le « est utilisé pour signaler une pause qui s'en vient. Par exemple, « pour une petite pause et « pour une plus longue pause. La pause est nécessaire dans notre cerveau pour trouver le bon mot. Tout simplement, ça, je pense qu'on on s'en rendait tous compte. C'est fait pour donc se rappeler du bon mot qu'on voulait sortir. Pour se souvenir de quelque chose qu'on a temporairement oublié ou pour réparer une erreur. Par exemple, tu dis le mauvais mot, tu fais « hum » et tu te corriges. Donc, c'est ça, c'est le « hum » qui fait le travail pour nous mentalement. Ça nous achète du temps. Mais j'ai l'impression aussi que, tu sais, ça vient montrer à l'interlocuteur « Écoute, c'est pas parce que j'arrête de parler que je suis pas en réflexion que j'ai terminé la conversation. Tu sais, c'est normal que je vais arrêter, là. Donc, parce que je suis en réflexion, donc ça sera pas long, je m'en viens avec l'information. » Sois patient. C'est ça. C'est comme à la radio, on nous conseille de pas faire de hum. Je pense que tout le monde en fait quand même, puis ça reste naturel. On n'est pas non plus, comment le dire sans insulter personne. Je dirais rien finalement pour pas insulter personne. Ouais, c'est ça. Mais être trop parfait à la radio, c'est pas très naturel et c'est juste pas très intéressant à écouter. Mais j'avais en secondaire 5 un exposé oral. Bon, on avait plusieurs exposés oraux là, mais aussitôt qu'on faisait un e, une hésitation. Il nous enlevait un point totalement. Non. Mais tu sais, c'est pas naturel, c'est sûr. Faut pas faire d'excès non plus. Non, mais s'il y a que des E dans ta conversation, on s'entend que c'est toi la personne plate. Hein? Ouais, mais s'il y a aucun E parce que tu préfères faire des silences radio, plate en tabarnouche, tu sais. Hein? Ouais. T'es un peu plate. Ouais. Un peu plate. Donc voilà pour la première question. Est-ce que la deuxième est aussi très, très intéressante, hein? Non? Pourquoi on touche du bois? Bravo, David, t'as une question pertinente pour une fois. Non, c'est pas... Oui, j'en profite. T'es un bon élève, bravo. T'es un très bon élève, David. Pourquoi est-ce qu'on cogne sur du bois? Pourquoi est-ce qu'on dit « je touche du bois »? Et en fait, premièrement, avant même de parler de pourquoi est-ce qu'on cogne sur du bois, parler de l'origine, de comment est-ce qu'on dit la phrase. En fait, pas de l'origine, juste dans différents pays, on dit la phrase différemment. En anglais, on dit « knock on wood ». Il y a même une chanson « knock, knock, knock ». Baby. Ben oui. Gotta get to your girl. on dit knock on wood en anglais, cogner sur du bois, alors qu'en français, on dit je touche du bois. Mm-hmm. Et on dit ça aussi au Royaume-Uni. Étrangement, on dit touch wood au Royaume-Uni. Et je l'ai appris ce matin en lisant cet article. Et me voilà en train de citer mes sources pour avoir l'air d'un gars si intelligent que ça avec mes réponses. Donc, traditionnellement, quand on parle de chance, on dit tout le temps je touche du bois pour empêcher, c'est comme une genre de superstition, pour que les choses tournent mal. Et donc, on dit la phrase très, très souvent. Par contre, maintenant, toucher le bois a remplacé cogner physiquement sur du bois. Avant, on cognait littéralement sur du bois, on trouvait du bois et on touchait. Maintenant, on dit juste « je touche du bois » puis on fait même pas semblant qu'il y a du bois autour. Là. Des ouais, fois, non, c'est ça. On va juste dire « je touche du bois », mais tu sais, on touche à rien. Donc, ça a des racines. Avant, la religion chrétienne et l'islam... on avait beaucoup d'idoles à ce moment-là. Les peuples, les cultures avaient des idoles. Tu sais, en Irlande, en Inde, n'importe où, on était comme agenouillés devant des idoles. Et souvent, ils étaient représentés par des arbres. Donc, il y avait des peuples qui utilisaient les arbres comme symbole. Et ils ont incorporé ça dans leurs rituels. Et certains, comme les Celtiques, les voyaient comme comme si les esprits étaient dans les arbres. Mm-hmm. Ils voyaient les arbres comme la maison de l'esprit et des dieux. Donc, les auteurs Stéphane Bechtel et Deborah Aronson suggèrent que la connexion entre cogner sur du bois et ces esprits-là, ben, elle est évidente et c'est ce qu'ils disent dans leur livre The Good Luck Book and Luck et l'autre livre Luck the Essential Guide. Bref, c'est des sources encore une fois. La première origine possible de cogner sur du bois est une version en fait en Europe. Est-ce qu'on dit les païens? Je pense que c'est ce qu'on avait déterminé comme terme la dernière fois qu'on a utilisé le même mot et que je n'ai pas cherché depuis. Donc, on utilisait les arbres, on touchait le bois pour éliminer les mauvais esprits de la maison de ces gens-là. D'autres origines disent aussi que Ben, qu'on demandait des faveurs aux dieux en touchant à l'arbre. On disait, bon, Dieu, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. On touchait l'arbre et c'est ce qui a mené vers cette tradition-là. On cherche à se protéger de différentes choses et on souhaite des affaires en touchant au bois. Et c'est pour ça qu'on dit ça encore aujourd'hui. Je pense que ça répond à peu près à la question en plus de détails sur l'article, mais quand même, c'est à peu près ça. Très intéressant. Je trouve ça fascinant à quel point des traditions comme ça vont traverser le temps. Ça, on a perdu l'aspect religieux de ça il y a tellement longtemps, mais ça vient de... Mais ça se poursuit. C'est un peu comme le jeu du téléphone, non? Arabe. Ouais, c'est ça. Sans vouloir être raciste. Ouais, non, ben... Okay. Toutes les sortes de téléphones sont pas fiables de toute façon. En tout cas, fait que, ça part d'une façon, mais ça traverse le temps et ça se modifie, mais ça reste... Je trouve ça fascinant. C'est beau à voir. Moi aussi, c'est pour ça que ces questions-là, en fait, sont mes préférées. Et c'est pour ça qu'on dirait qu'aujourd'hui, j'ai choisi juste des affaires de langue parce que c'est un domaine qui nous intéresse tous les deux, Stéphanie. Cool. Plutôt, ben, mange de la... Non. David, est-ce que les langues t'intéressent, à part la langue dans ton oreille? Ben, oui, en fait, ça dépend comment je pourrais expliquer ça. La langue en tant que telle, c'est toujours intéressant parce que, justement, comme là, tu expliques les origines d'un mot et d'un thème. Et c'est sûr que j'ai un bac en histoire, je me spécialise là-dedans dans ma maîtrise, donc c'est sûr que le côté historique relié aux origines des mots, moi, ça me fait le même bonheur que j'ai que manger un yogourt grec. Oh! Wow, c'est beau. Hey, il y a un bac en histoire? Oui. Ça paraît pas? Non. Mais bravo. Je vais poser la dernière question. Une chronique historique. Tu pourrais. Je vais sauter à la dernière question et la poser moi-même parce que c'est pas dans la liste. En fait, j'ai comme drôlement écrit sur la liste. C'est que je me suis posé la question moi-même. C'est rare que je me pose moi-même des questions et non juste genre pogner des questions sur d'autres sites et ramasser les meilleurs selon moi. T'sais. En passant, un bon historien se pose constamment des questions à lui-même. Voilà. Mais je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on dit en anglais, c'est vraiment en anglais, New Brunswick, le nouveau Brunswick, on se comprend. Mm-hmm. Alors que la Nouvelle-Écosse, en anglais, c'est Nova Scotia. Je me suis demandé cette question-là. Donc, j'ai fait un petit peu de recherche. Pas tant que ça, en fait. Mais le nom de la province de la Nouvelle-Écosse, ça vient du latin. Ça veut dire New Scotland. Donc, vraiment, littéralement, Nouvelle-Écosse. Donc, en français, on ne s'est pas cassé la tête. On a enlevé le latin et on a juste utilisé le terme en français. C'est bizarre quand même, hein? Ben oui. Ouais. Ça a été nommé par Sir William Alexander, qui a reçu une bourse, si on veut, grant, c'est comme des fonds, si on veut, pour acquérir la terre entre la Nouvelle-Angleterre et la Nouvelle-Écosse du roi James VI de l'Écosse. OK, c'était écrit en chiffre romain. C'était écrit en chiffre romain, ça demande un petit peu de travail de ma part. Bref, le charter, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais la charte de l'endroit, quand il l'a acheté, était en latin. Et donc, le nom New Scotland a retenu son latin, Nova Scotia. C'est pour ça que ça s'appelle Nova Scotia de nos jours. Et je ne suis pas allé chercher plus loin que ça. Je sais qu'il y en a beaucoup plus de détails que ça, mais je trouvais que c'est assez pour satisfaire ma curiosité. C'est du latin, puis c'est à cause de la charte du pays qui a été acheté. Bon. Hey, j'ai un contrat pour toi. Tu parlais de latin, tout ça, tu viens de me faire penser à quelque chose. J'aimerais que tu répondes à cette question une prochaine fois. Mmh. D'où vient l'expression « en perdre son latin » Oh! Oh. Wow. Papi, petite parenthèse, tous les thèmes que tu donnes dans Kinky Six Time, ils ont soit une racine grecque ou latine. Les termes de fille, etc. Ben oui. T'as bien raison. Comme oculolinctus. C'est ça. Oh, wow! Ça me rappelle des souvenirs de la chronique d'avant. C'est bon. Donc voilà, pour arrêter avec tes questions, je trouve qu'on a assez appris de choses pour aujourd'hui. On ferme, on tourne la page. On a assez appris de choses. Maintenant, on peut s'abrutir et lire un archi. Un double archi, tant qu'à ça. Wow! Oh, yeah! On fait ça une fois de temps en temps à Assemblage Requis, ça n'a pas de case horaire fixe. On va terminer l'émission ici parce qu'il commence déjà à être tard, les amis. Merci d'avoir été là, tous les deux. Oh, ça fait plaisir. Merci de nous accueillir. Ça fait plaisir. Une petite émission à la bonne franquette, pas de Jean-Philippe dans les pattes, non. Oh. Quand le boss n'est pas là, les souris dansent. Hein? Mais au moins, c'est pas pire parce qu'il sait qu'on l'écoute. Fait que Mathieu, quand tu me blastes dans les ondes, tu le sais parce que je t'écoute. Ah, oh. OK. Ça, OK. T'es dans la marde, finalement. Super. Merci, David Ferron. On te retrouve au Palmarès C'est fou, jeudi après-midi entre 15h et 18h pour ta chronique Brancher le monde. Ouais, et puis merci, Steph et Mathieu, de m'avoir accueilli à grands bras ouverts. Ça me fait plaisir de t'avoir des bons rapports. Ouais, c'est ça. Pas mal tout ce que t'as fait pour l'accueillir, sinon on va avoir plus mal choix. Merci, Stéphanie Paresse, d'avoir co-animé avec moi. Merci, Mathieu Plante, de tout ça. De tout ça. Jean-Philippe Charbonneau va être de retour à la co-animation demain pour la dernière émission de la session. On termine en beauté avec demain les chroniques excellentes de Maxime Bilodeau avec d'une foulée à l'autre. Jasmine Raymond-Dréville de la GEQTR, Adjulie Durocher avec l'index, François Landry, Logo 1601 et Stéphanie, tu vas être de retour pour une fois exceptionnelle, une participation spéciale. T'es-tu sérieux? Oui, le deuxième Cheese Quiz. Oh! Demain, à la fin de l'émission. Donc, soyez-y, David va être là aussi. Petite surprise à dire. Hein. Ouais, c'est ça. Pareil que je participe au quiz. Ouais. Je suis intrigué. Ah, hey, je me demande quel buzzer je vais lui donner. Bah. Le moins gossant possible. Oui, sinon il va en abuser, je pense. Donc, le cheese quiz. Le cheese quiz de Stéphanie Paradis demain dans l'émission. Ça va être une grosse, grosse émission chargée. On va dépasser un petit peu. C'est la dernière de la saison. Faut bien se le permettre. Restez à l'écoute pour le dîner de con à 11h. Après ça, c'est le voyage insolite et album classique en rediffusion. Passez une très belle journée. On se quitte avec Le Couleur et une nouvelle entrée du palmarès francophone. Bye bye, tout le monde. Bye bye. Au revoir. Au revoir.